famille avec entre autres l'actrice Victoria Bedos. D'ici là, je vous souhaite un très bon week-end, mais d'abord un excellent après-midi avec Cyril Hanouna. Cyril, c'est à vous. Marion, on va se retrouver dans quelques instants sur Europe 1 avec toute l'équipe, bien sûr. Il y a Jérôme Commandeur, il y a Valérie Benaïm, il y a Estelle Denis et il y a un mec qui est là, mais à moitié. C'est Jean-François Quéré. Voilà, il est là, mais il n'est pas là. Et il y a Grand Corps Malade qui viendra nous voir. Ça, c'est la bonne nouvelle. À tout de suite. Cyril, c'était Marion Ruggieri sur Europe 1. Tout de suite. À 16h, c'est le Flash. Avec vous, Christophe Carré. Bonjour Christophe. Mais bonjour, on parle pour la première fois de possibles évacuations à l'ouest de Paris, sur le camping du Bois de Boulogne, sur l'île de la Jatte, sur l'île Saint-Germain et à Rueil-Malmaison où le pic de crue est attendu demain matin. La SNCF annonce que la ligne C du RER sera totalement fermée à partir de 20h. Dans la capitale cet après-midi, la Seine est à son plus haut niveau depuis 30 ans. Valérie Darmon a dépassé les 6 mètres et l'eau va encore monter. Oui, et on n'arrête pas de revoir les prévisions à la hausse parce que Vigicru a eu des soucis, disent-ils, de mesures sur la station Paris-Austerlitz. En même temps, on n'a pas assez d'objets de comparaison. C'est une situation exceptionnelle que nous vivons en ce moment. La Seine qui pourrait atteindre ce soir 6,30 m, voire 6,50 m, et qui vient de passer la barre des 6 mètres. On va donc dépasser avec certitude la crue de 1982 de 6,15 m. Hier, la Seine montait de 4 cm par heure. Aujourd'hui, on se rapprocherait plus des 2 cm par heure tout autour de Paris, notamment près de Chatou. Sur l'est parisien, la montée des eaux semble se stabiliser. La Seine qui monte évidemment encore côté ouest. Le pic devrait être atteint entre maintenant et la nuit prochaine. La Seine qui entamera ensuite une phase de plateau avant sa décrue prévue pour dimanche. Valérie Darmon, une aquabarrière est installée Pont de l'Alma. Le Grand Palais est fermé à titre préventif au public depuis cet après-midi 14h. Le Louvre remonte les œuvres stockées en réserve dans les étages. Même chose à Orsay, fermé jusqu'à au moins mardi. 13 départements restent cet après-midi en alerte orange. Dans le centre, la décrue s'amorce très lentement face à ces inondations. Europe 1 soutient l'appel aux dons lancé par le Secours Populaire. Vous pouvez vous connecter sur son site internet ou vous adresser à ses antennes partout en France. Pour aider les sinistrés ou si vous êtes vous-même victime de ces inondations, sur Twitter, vous pouvez utiliser le hashtag E1 suivi des deux premiers chiffres de votre département. La page Facebook d'Europe 1 vous est aussi ouverte. Dans le reste de l'actualité, toutes les ventes de billets SNCF sont suspendues cet après-midi pour les TGV au départ de la gare de Lyon à Paris. Décision prise par la direction avec la grève. Trop de voyageurs s'entassent dans les trains disponibles. La SNCF cherche à réguler l'affluence. Le tennis, direction Roland-Garros. Europe 1, Roland-Garros 2016. Demain, la finale dames opposera l'Espagnol Garbinier Muguruza à l'Américaine Serena Williams. En ce moment, Christophe Lamar, ce sont les demi-finales hommes. Oui, effectivement, et c'est pas très bien parti pour Stan Wawrinka, le tenant du titre, puisqu'il a été breaké dans cette première manche. Andy Murray qui fait la course en tête, il mène 5 jeux à 3 à Wawrinka au service pour tenter de revenir à 5 jeux à 4 sur le court. Suzanne Lenglen, Novak Djokovic ne fait pas dans le détail face au jeune autrichien Dominic Thiem. Le Serbe a remporté la première manche 6 jeux à 2, il mène 2 jeux à 1 dans la seconde, mais Thiem est au service pour revenir à 2 jeux partout. Merci Christophe Lamar en direct pour Europe 1 de Roland-Garros. Très bon après-midi, 16h03, vous retrouvez Cyril Hanouna pour Les Pieds dans le Plat. Europe 1, 16h-18h30, Les Pieds dans le Plat. Dans le Plat. Cyril Hanouna. Bonjour à tous et merci d'être avec nous. Nous sommes le vendredi 3 juin. Je voudrais vous remercier d'avoir été aussi nombreux à regarder C'est pour nous, C'est cadeau hier soir sur D8. Merci à vous, hein. Vraiment, vous êtes des amants. Voilà, tous ceux qui ont regardé, merci d'être avec nous également sur Europe 1. Et il y en a un qui n'a pas pu regarder, je vais vous dire pourquoi dans un instant, il est autour de la table. Il y en a un qui avait d'autres choses à faire. Apparemment, s'il a regardé, en tout cas, il voyait plusieurs télés. On verra de qui il s'agit dans un instant. Il y a un dossier. Oui, il y a un dossier. Oui. Valérie Benaïm est là. Bonjour, bonjour tout le monde. Jérôme Commandeur. Bonjour. Estelle Denis. Bonjour. Et le capitaine Haddock. Bonsoir. Bachimouzouki. Alors, il faut que vous sachiez, on met une petite musique d'ambiance parce que Jean-François Quéré, il rentre à peine de boîte de nuit. Alors, c'est pas vrai. Non, c'est pas c'est à peine. C'est, je suis même pas rentré chez moi, en fait. Et j'arrive à peine. Je suis même pas rentré chez moi. Ah, vraiment? Ah ouais, c'est vrai. Non, mais en fait, j'étais avec un copain parce qu'on arrosait un diplôme d'un copain. Il a dû avoir un beau diplôme. Il a pas pu venir, le copain qui a eu le diplôme, donc on était quand même au restaurant. Le gars, il démarre. J'étais avec un copain qui devait fêter un diplôme. Mais en fait, j'étais avec un copain, mais c'était pas le copain qui a eu le diplôme parce qu'il a pas pu venir. C'est ça, en fait. Exactement, exactement. D'accord. Donc, on est, nous, la partie, on est, voilà, j'étais avec un pote. On était que deux. Mais on fait la tournée des bars, donc on voit, on peut essayer de trouver des copines, des bars à copines, des trucs. C'est quoi des bars à copines? C'est quoi des bars à copines? Bah, c'est comme des bars à putes, mais en gratuit, quoi. Voilà, quoi. Et donc, vous attendez dans quel bar? Parce qu'on aimerait bien voir les adresses. Qu'est-ce que c'est? On les commande? Comment ça se passe? On discute avec les personnes. Quoi, si elles sont jolies, si on peut faire, si on peut faire une connaissance ou quelque chose comme ça. Donc, comment vous abordez déjà une meuf? Parce que je sens qu'on va, ça va nous faire toutes les missions. Comment vous abordez une meuf? Estelle, c'est une copine dans un bar. Voilà. C'est une copine gratuite, voilà. Estelle. Voilà, déjà, qu'est-ce que tu bois? Tiens, t'es jolie, t'es bien habillée, t'es une belle personne. Et ça marche, hein? Bah, bien sûr que ça marche. Non, ça marche. Vous m'étonnez beaucoup. T'es bien habillée, etc. Mais dis-moi, c'est Karl Lagerfeld, le gars. C'est plutôt l'amour est dans le pré, là. Fatigué, ce mec-là. Bref, et on enchaîne sur un restaurant. Mais à combien, là? À deux? On était toujours deux, mais on est quand même un petit peu chargé, gentiment. Parce que nous, c'est pas du tout avec modération, on s'encarre, donc voilà. Donc on y va, on arrive au restaurant et en fait, on commence à manger des trucs très sympas et c'est bien servi. C'est chez Denise d'ailleurs. C'est pas un restaurant. On mange pas que des aliments. Oui, c'est un restaurant à viande. Bien sûr. Ah oui, faut pas être végétarien. Et là, sur qui on tombe? Alors déjà, on est bien servi, etc. Et là, on est à côté de nous, il y a une table de 4 mecs qui viennent. Mais je croyais que vous cherchiez des meufs. Ouais, on est tombé sur des mecs. Ah, mais faut être 2016, Cyril. Ouais. Vous n'êtes pas assez ouvert. On est pour tous. Tu es resté 2015 pour l'instant. C'est un restaurant pour tous. Ces 4 mecs, ils arrivent. Putain, c'est des mecs, des grosses baraques, des masses, etc. Et on discute, etc. Et en fait, il s'avère que c'était des anciens lutteurs de l'équipe de France. Il y avait un entraîneur, etc. Et les mecs, on a passé une soirée à picoler, à parler fort. Et c'était extraordinaire. On a terminé, il était 3h du mat. On a même acheté une tour Eiffel à un Sénégalais dans la rue. Je vais vous dire... On fait quand même marché de commerce, hein, je vous dis. C'est dommage, dans ces cas-là, c'est qu'on est. Quand vous dites que vous avez bu et mangé, etc. Ouais. Le volume à peu près, c'est quoi? Vous avez bu? On était deux, donc il y a eu un litre de bière déjà chacun pour avant le restaurant. Ensuite, on a pris deux bouteilles de vin. On a terminé à de la poire. De la prune. On a bu de la prune, etc. C'est vrai, ça s'entend que vous avez bu de la prune. Sur la tête de ma mère, même le micro, il est bourré. Le micro, il veut pas lui parler. Même le micro, le celui qui vit la plus mauvaise expérience, c'est le micro Europe 1. Non mais sur la tête de ma mère. Le gars, il souffle dans un ballon là, Jean-François Quéré. Ah mais non, maintenant quand je me fais arrêter, mais grâce à vous, parce que j'ai une réputation maintenant. Et quand je me fais arrêter, il me demande même pas si j'ai bu, quoi. C'est direct. Souffler dedans. On va continuer à parler de cette soirée dans un instant. Ouais. On rappelle que l'abus d'alcool est dangereux. Pas du tout. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Justement, regardez Kéré, à tout de suite. Les pieds dans le plat. Tous les jours, 16h, 18h30 sur Europe 1. Cyril Hanouna. Dis, est-ce que tu m'aimeras toute l'année? Pourquoi tu me demandes ça? Parce que pour ces 20 ans, oui. Bouygues Télécom offre la 4G illimitée le week-end, toute l'année. Si c'est illimité, je t'aimerai toute l'année, oui. Sur tous les week-ends. Ah là là, tous les mêmes. Quoi, tu veux... Chez Bouygues Télécom, pour nos 20 ans, encore plus de plaisir avec la technologie. Cette semaine, découvrez le nouveau forfait Sensation 5Go, le premier forfait avec 4G illimité tous les week-ends. Rendez-vous vite en boutique. Engagement 24 mois, bonus week-end illimité valable 24 mois, offre soumise à condition. Avec la Matmut, je suis géolocalisé sur l'autoroute. Tu en as parlé au docteur? Ça se soigne. Mais quel boulet, c'est pas quand je suis malade, c'est quand ma voiture est en panne. Plus besoin d'aller à la borne. C'est plus sûr. Oh, dis donc, la Matmut, elle est forte. On se sent en sécurité avec la Matmut et ses applis. Prestation d'assistance réalisée par Image IE. Il y a des prix qui vous font dire « Bon, eh ben on rangera les brosses à dents sur la table de nuit. » Et il y a les prix Leroy Merlin. Toute l'année, 99 euros seulement, le meuble de salle de bain complet d'ado avec son plan vasque en céramique et son miroir avec éclairage. Tiroir à fermeture progressive inclus, garantie 2 ans incluse. Chez Leroy Merlin, les prix vous font dire « Là, je suis sûr de faire le bon achat. » Leroy Merlin, et vos envies prennent vie. Carrefour Market. Oh, cette semaine a été intense. Alors ce week-end, j'ai envie de détente, de douceur, de tendresse. Ça tombe bien, j'ai plein de tendresse pour vous, Michel. Chez Market, le faux filet 3 étoiles à griller Origine France est à seulement 11,50€ le kilo. J'ai hâte de le passer sur le grill. Mais c'est seulement jusqu'à demain. Vous savez trouver les mots pour m'attendrir. Carrefour Market, le plein de fraîcheur et d'économie. Viande bovine, faux filet 3 étoiles à griller, le plateau de 5 pièces minimum. Magasin participant sur carrefourmarket.fr. Avec Patrick pour une randonnée en montagne. Patrick en pleine forme, hein, avec son sac à dos Arpena 10 litres de Quechua. Oui, un sac avec une taille compacte et des bretelles confortables, il ne le sent même pas. Mais Patrick s'arrête, que se passe-t-il? Ah, il sort son pique-nique. Il a bien mérité une petite pause. Oui, et nous d'ailleurs, qu'est-ce qu'on mange, hein? Chez Decathlon, du 18 mai au 18 juin, préparez l'été avec le sac Arpena 10 litres de Quechua, garanti 10 ans à seulement 2,99€. Decathlon, à fond la forme, voir conditions en magasin et sur decathlon.fr. Les bons plans au champ, c'est maintenant. Stéphane, quand il ne fait pas de sport, il les regarde sur grand écran. J'aime me sentir avec eux sur le terrain, vivre à fond les émotions de l'instant. Et bien jusqu'à demain en magasin et sur Auchan.fr, le téléviseur connecté LG Full HD 140 cm est à 599€ au lieu de 749, soit une économie de 150€. Waouh, 599€ un téléviseur LG 140 cm, je file chez Auchan. Auchan, la vie que j'aime. Dont 5€ d'éco-participation, classe énergétique A+. Europe 1, 16h, 18h30, les pieds dans le plat. On va se retrouver dans un instant sur Europe 1 et je viens d'avoir une idée. J'aimerais qu'on se procure un éthylotest. Ah oui. Et on va faire souffler Jean-François Quéré dans le ballon, nous-mêmes. Non mais sans déconner, on va essayer de le faire. S'il faut, on ira dans un commissariat leur demander voilà, de venir expressément qu'on a une personne en état d'ébriété. Voilà, à tout de suite. Avant, l'été sans Chris, ça ressemblait à ça. Chou, qui veut des choux? Chou. Mais ça, c'était avant. Chouchou, qui veut des chouchous? Des bons chouchous. Avec Chris, l'été, c'est mieux quand ça marche par deux. Jusqu'au 2 août, pour tout achat d'une paire de lunettes de soleil, Chris vous offre la deuxième. Et cette année encore, Chris, opticien officiel du Tour de France. Chris, vous allez vous aimer. Valable sur une sélection de montures, voire conditions en magasin. Intersport. J'adore l'été, je vais profiter, camper, marcher et même nager. Tout ce sport, ça me fait rêver. Vous allez adorer l'été chez Intersport. Dès le 25 mai, les t-shirts adultes sont à partir de 9,99€ l'unité. Loto, Umbro, Jack & Jones, Petrol, Only, Tom Taylor et bien d'autres, à vous de choisir. Intersport, le sport commence ici. Offre valable dans la limite des stocks disponibles sur une sélection d'articles. Conditions et listes des magasins participants sur intersport.fr. Europe 1, les pieds dans le plat. 16h, 18h30, Cyril Hanouna. Et roule du saucisson. Et Gilou avec son petit accordéon. Vive les copains, les bouteilles et les chansons. Ah. On a pas ce qu'on est plus. C'est une hymne nationale. C'est la soirée de Jean-François Quéré. Ça va, mon Jean-François? Ah, super bien. Ça va très très bien. Ah, oui, ça s'entend. Ouais, je suis à un bon niveau. Je suis pas redescendu. Mais voilà. ce que je comprends pas, Cyril, c'est qu'en général, un lendemain de cuite, on est complètement. Mais lui, c'est un amour. Non, mais lui, il est pas encore au lendemain. C'est bon pour la santé. Oui. Mais c'est l'habitude, ça aussi. Non, mais... Exactement, c'est l'habitude, c'est important. C'est important de garder l'habitude. Estelle, est-ce que je peux vous demander juste un petit truc, Jean-François? Bien sûr. Franchement, parce que je vous aime énormément, vous le savez. Mais moi aussi. Vous êtes vraiment, j'ai eu un flash pour Jean-François. J'adore ce garçon. On l'adore. Vraiment, vous pouvez compter sur moi pendant toute votre vie maintenant. Ah bah je sais. Ah bah t'es pas dans la merde. T'inquiète pas. Je serai à gratter à ta porte, vraiment venu. Vous pouvez prendre, non, sérieux, vous avez Danny Boone et moi. Voilà. Ben voilà. Bah, vous, ben voilà, ça va. Vous pouvez compter sur moi. C'est bon. Vous pouvez compter sur moi. Et juste, j'aimerais vous demander un petit service. Mmh. Est-ce que vous pouvez souffler sur le visage d'Estelle Denis? Ah non, j'ai pas mérité ça, excusez-moi. Si, non, mais pour voir. Non, mais attendez, pour j'ai voir, une émission après, non, mais... je peux pas me permettre d'arriver, non, non, c'est impossible. Non, mais juste d'abord, on va souffler sur le visage d'Estelle Denis. Je vais être ivre. Si le visage d'Estelle Denis devient rouge écarlate, c'est que il y a un problème. Mais et on est, est-ce qu'on peut trouver un éthylotest? Ça se trouve où ça? C'est dans les pharmacies, non? Ouais. Non, c'est vrai, ah dans les pharmacies. On va aller, on est allé en chercher un. Hein, donc on va le faire souffler dans le ballon Jean-François Quéré. Ouais. Vous savez comment ça se passe, vous Jean-François? Vous avez quelques notions d'éthylotest? Oui, alors une fois, je me souviens. Tiens, voilà. Oh là là là là. Alors, mais c'est fait arrêter. Ça recommence. Alors, attention, non, mais vous étiez en voiture? Non, je suis en scooter moi. Ah merde. Ah, non, mais là vous êtes mieux. Oui, mais là je suis en scooter. Oui, non, mais il fallait venir à pied. Je suis en trois roues. Non, mais ça va, j'ai l'équilibre, je suis en trois roues. Non, mais je vous laisse pas repartir. Non, mais je le laisse pas repartir. Ah, c'est interdit, Cyril. Non, vous êtes un malade. On le met dans un taxi. Je le mets pas dans là, je le mets dans une fourgonnette là. Voilà, c'est ça. Dans un panier avec de la salade. Voilà, très bien. Ah oui, il est encore dedans quand même. Hein. Jean-François, il sort des vins pour faire des expressions. Je suis vraiment avec mon oncle. Hey, ils l'ont mis dans le panier à salade, dis donc, hein, le minot. On appelle donc Camillo pour un second créneau de livre. Allez, alors Jean-François, donc oui. Racontez-nous, qu'est-ce qui s'est passé après le restaurant cette nuit? Non, mais non. Ça, oui, quand je me suis fait arrêter. Ouais. Oh là là, alors là, j'étais donc. Parce que j'étais avec ma femme quand j'étais marié. Juste, vous savez comment s'appellent les gens autour de la table? Oui, il y a Valoche. Il y a Jérôme. C'est quoi son vrai nom? Valérie Benaïm. Ah, bah, lui, c'est qui lui? Jérôme Commandeur. Et elle? Estelle Denis. Alors, et donc j'étais marié à l'époque et on se fait arrêter par la BAC et effectivement j'allais très vite. Non, en scooter. Mais oui, en scooter et c'est pas bien, j'avais grillé un feu et tout ça. Et en fait on se fait arrêter donc je m'arrête immédiatement puisque le deux-tons etc. Le deux-tons de la voiture. Pimpon. Et là, c'est bon, il connaît. Oui, il a connu par cœur la musique. Ouais. C'est en do mineur. et bref, on se fait arrêter. Et là, le mec nous dit, oui, mais bon, c'est dangereux, etc. Je dis, bah oui, je sais bien, mais c'est parce que j'ai la nounou, faut libérer la nounou, quoi, parce que j'ai les enfants, etc. Oui, mais ça pourrait mal se terminer. Je dis, oui, mais la soirée elle est pas finie. T'as fini au poste. C'est à double tranchant. Non, parce qu'en fait, non, mais alors là, j'ai certainement eu de la chance, mais je pense que c'est parce que les gens sont avenants. La police est très avenante. À partir du moment où on les prend pas pour des débiles et on parle gentiment avec eux et qu'on a le sourire et qu'on est jovial, et ben les gens et ils sont compréhensifs. Et puis, vous êtes pas jovial, vous êtes bourré. Ouais, ça. Il est jovial. Oui. Mais non, mais à chaque fois, ça s'est très bien passé. J'ai jamais eu de problème. Mais quand vous dites à chaque fois, pourquoi vous c'est parce que plusieurs fois, je me suis fait arrêter. Ah, mais c'est bizarre. J'ai une tête à attirer, je sais pas, les problèmes comme ça. Mais j'arrive à contourner ces problèmes parce que je discute avec la maréchaussée. Vous discutez. Bon, on discute, on parle, on déblatère, etc. Et on arrive toujours à s'entendre. Et là, ce matin, comment vous êtes, quand vous êtes dit, je dois aller faire l'émission ensuite pour l'après-midi, pour Europe 1. Comment ça se passait? Est-ce que vous étiez heureux ou bien? Ah, j'étais heureux, j'étais ravi. Moi, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je bois? Alors, j'ai pris un truc, j'avais un fond d'un vin blanc ou un truc, et j'ai pris ça. Parce qu'il faut toujours après une cuite, faut toujours se remettre au niveau. C'est-à-dire? Faut toujours repartir. Si tu prends un médicament, t'es pas bien. Exactement. Ah, bon il faut jamais faire de rupture d'alcool. Absolument. Bah, écoutez, les chéris, j'ai une très bonne nouvelle parce que on a un éthylotest. Ah. Et on va le faire souffler dedans dans un instant. Alors, on va voir, comment ça se passe. Ah, bah voilà, c'est bon, j'ai les couleurs et tout. Donc c'est bon, on verra comment ça se passe dans un instant. Juste le temps de s'écouter Céline Dion. Ah oui. Encore un soir, c'est la nouvelle de Céline. Ah, c'est triste, elle est triste. Encore un soir. Ah, ouais, c'est pour René. Oh, pas vous. Encore un soir. Mais juste, c'est une chanson triste. Une photo, une date, c'était n'y pas croire. C'était pourtant hier, mentir et ma mémoire. Et ses visages d'enfants et le mien dans ce miroir. Oh, c'est pas pour me plaindre, ça vous n'avez rien à craindre. La vie m'a tellement gâtée, j'ai plutôt du mal à l'éteindre. Oh mon Dieu, j'ai eu ma part et bien plus à tant d'égards. Mais quand on vit trop beau, trop fort, on en oublie le temps qui passe. Comme on perd un peu le nord au milieu de trop vastes espaces. À peine le temps de s'y faire, à peine on doit laisser la place. Ou si je pouvais encore un soir, encore une heure, encore une larme de bonheur, une faveur comme une fleur, un souffle, une erreur, un peu de nous, rien de tout, pour tout se dire encore ou bien se taire en regard, juste un report, à peine encore, même s'il est tard. J'ai jamais rien demandé, ça c'est pas la mer à boire. Allez, face à l'éternité, ça va même pas se voir. Ça restera entre nous, ou juste un léger retard. Y en a tant qui tuent le temps, tant et tant qui le perdent ou le passent, tant qui se mentent. Instant de grâce où je donne ma place au paradis si l'on m'oublie sur terre. Encore hier, encore au soir, encore une heure, encore une larme de bonheur, une faveur comme une fleur, un souffle, une erreur. À peine encore, je sais, il est tard. C'est pas grand chose, rien qu'une pause, que le temps, les horloges se reposent et caresser, juste un baiser, un baiser. Encore un soir, encore une heure, un peu de nous, un lien de tout. C'est le nouveau Céline Dion, encore un soir. Céline Dion, non, mais c'est beau, hein. C'est beau. C'est triste. C'est Jean-Jacques Goldman? Oui, tout c'est à fait. Oui. C'est Gigi. C'est très émouvant. Vous ne nous faites pas de commentaires sur Jean-François Quéré. Si vous nous rejoignez sur Europe 1, sachez que Jean-François Quéré a fait la tournée des bars. Il est arrivé directement à Europe 1 et on va vérifier, si vous êtes ivre ou pas. J'ai un éthylotest ici. Vous savez vous en servir, Jean-François? Bien sûr. Non, sans rigoler. Bah oui. Alors, mais dans, toute sa vie. Faut que je casse. Donc, faut que je casse les deux embouts là, non? Pourquoi casser les embouts? Ah non. Bah casse-les alors. Si c'est. Regardez, Jérôme, on va le faire ensemble. Jérôme, venez là. On va le faire ensemble. Donc là, il y a deux embouts, un rouge, un blanc. Ils disent voilà. Non mais vous savez lire ou pas? Je vous sens un petit peu pas bien. Alors donc on va. Alors. et ça c'est du visuel. Hein, c'est du visuel. Et en braille. Oui. Mais je suis sûr que je suis clair. Il y a pas un policier dans la salle. Vous n'êtes pas clair, c'est pas possible. Non. Ah non. Alors attendez, on va voir. Alors il faut casser un embout. Vous avez casser les deux embouts. Les deux embouts. Vous êtes sûr? Bah oui. Regardez ce qu'ils disent. Mais pour que l'air passe, il faut que l'air puisse passer. D'accord. Bon, je les casse. Ouais. Casse. Parce qu'une fois cassé, c'est fini. Hein. Ouais. Ah casse. Eh mais c'est compliqué ça pour un flic. Hein. Voilà. J'ai cassé les embouts. Ça y est. Je dois vider les cristaux, Jérôme. Je crois. J'ai l'impression que même pas bourré, vous êtes plus con que moi, les gars. Allez-y, videz les cristaux, chef. Vous êtes sûr qu'il faut vider les cristaux? Non, parce que c'est ça, le révélateur. C'est le révélateur. Oui, c'est les cristaux qui se colorent. Sinon, c'est juste une flûte. Sinon, c'est juste une flûte. Tu fais deux trous dedans et tu joues un air, quoi. C'est les cristaux qui se colorent, les gars. Brisez chaque extrémité. Donc, vous videz les blancs. Voilà. Vous ne videz pas les blancs. Pas le contenu. Il y a des cristaux blancs et il y a des cristaux jaunes. Voilà. Vous videz les blancs. Voilà. Voilà. Et il y en a un peu là. Il y en a un peu là. On est en chimie en quatrième, là. Voilà. Il a compris. Voilà. Alors, il est pas que con. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Quelqu'un peut me passer un chewing-gum à la menthe parce que je sens que ça va mal se terminer. Souffler dans le sachet en plastique en une seule expiration. Alors, allez, tu dois insérer ça dedans. Non. Après qu'il ait soufflé. Ah, d'accord. Voilà. Allez-y. Il faut déjà que je gonfle le ballon. Souffler, souffler. Voilà. En une seule fois. En une seule fois. Ouais. Alors. Oh, on voit qu'elle a l'habitude. Encore, c'est bon. Je suis au max, là, sur. C'est bon. Donnez-vous. Voilà. Ça. Qu'est-ce que je fais après, Jérôme? Alors, après, tu mets le truc au bout. Insérer l'extrémité blanche du tube fermement dans l'embout à clapet situé dans l'orifice du ballon. Ça, vous connaissez les orifices. Voilà. Voilà. Voilà. Ça, c'est bon. Presser le ballon lentement et régulièrement avec les deux mains afin de faire passer l'air dans le ballon à travers le tube pendant 20 secondes. Alors. 20 secondes. Alors, j'ai la fève ou pas? J'ai gagné. Mais chronométré, bordel. Ah, vas-y. Ils ont dit 20 secondes. Voilà. C'est long, 20 secondes. Hein. Ouais, c'est long. Tu vas voir, ça va être une couleur qui n'existe même pas dans le manuel. Non, mais là, je me rends compte, je vais un peu entamer quand même. Alors c'est bien ce révélateur, parce que ça me dit... 20, ça y est. Voilà, voilà. Ok. Attendez, voilà. Voilà, voilà. Il a une sale couleur. Il a une sale couleur. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Après, t'as un truc de révélateur de... Attendre 2 minutes. Attendre au moins 2 minutes avant la lecture du résultat. Ok. Et avant après, d'aller en prison. Après, il y a l'interprétation des résultats, on est là. Alors, s'il est orange, si ça reste orange, si les cristaux restent orange, c'est pas d'alcool. Mm. Si c'est vert tranquille, c'est inférieur au taux limite. Et si c'est vert, version vert, c'est supérieur au taux limite toléré. Maintenant, si le ballon dit que vous n'êtes pas bourré, il va falloir quand même en racheter un autre parce qu'à mon avis, on peut faire un procès à la société qui fabrique ça. C'est ça. C'est sûr, on va gagner de l'argent. Alors, voilà. On va pouvoir s'acheter de la bière. Là, il y aura procès, là. C'est sûr et certain, là, il y aura procès. Mais c'est mon idole. Si lui, il n'est pas bourré, franchement, alors, qui est bourré? Non, mais, ouais. Je sais pas. Mais ce qu'on sait pas dans cette soirée, juste dernière petite chose avant qu'on passe les deux minutes, parce que vous attendez tous le résultat, oui, on attend deux minutes. Jean-François Quéré, est-ce que vous avez conclu lors de cette soirée ou pas du tout? Mais pas du tout. Avec les lutteurs. Est-ce que vous avez embrassé un lutteur? Ah non, bah oui, il m'a donné sa carte parce que comme on se marre bien avec lui. Faites voir la carte. Attendez, on va l'appeler. On va l'appeler. Moi, j'ai essayé de l'appeler là sur son portable, il doit dormir encore. Non, c'est Jean-Michel. Parce que lui, par contre, il s'était pris une caisse. Alors là, plus que vous. Ah oui. On va essayer de l'appeler. Allez, à tout de suite, on va encore le résultat des pilotes. La ferveur, l'émotion, la communion. L'Euro 2016 est sur Europe 1 avec tous vos animateurs et journalistes. Il l'a fait! Pendant un mois, tous les après-midi, tous les soirs, vivez tous les matchs en intégralité sur Europe 1. Allez, super! Avec la meilleure équipe de spécialistes. Oui. L'Euro 2016, c'est sur Europe 1. Jusqu'au bout! Anti-vichère est bel et bien chez Intermarché. Eh oui, venez jouer en faisant vos courses. Il y a des millions de cadeaux à gagner. Et pour un produit acheté, le deuxième est gratuit. Eh oui, le deuxième est gratuit. Intermarché, tous unis contre la vichère. Règlement du jeu, modalité, magasin participant sur intermarché.com du 31 mai au 5 juin. Baptiste. Oui. On voit les bulbes, les fleurs et les graines. Ok. Tu peux me donner les baguettes aussi. Voilà. C'est bon. Maintenant, il me faut la tuyauterie. Ouais. Et la caisse à outils. Et passe la peinture aussi. Ouais. Ah, et prends la viande de bœuf. N'oublie pas le poisson. Et charge la bétonnière. Jusqu'au 30 juin chez Ford, profitez d'une offre exceptionnelle pendant le mois de l'utilitaire avec la gamme Ford Transit Euro 6 à partir de 8 990 €. Offre pour un transit courrier ambiante TDCI 75 chevaux Euro 6 réservé aux professionnels. Montant hors taxe, voir Ford.fr. Cultura. Le vrai problème des vacances, c'est la décompression brutale du temps. Aucun palier entre une année de travail assidu et une étendue de temps vide. Eh ben, c'est périlleux. La meilleure façon de s'adapter aux vacances, c'est de lire. Ben oui, lire. Les livres, c'est un oxygène. Avec quelques bons livres, tous les risques de rater les vacances s'évanouissent. C'est vrai, Fabrice. Mais il y a aussi la musique, les films et plein d'activités chez Cultura pour agrémenter l'été. Cultura, l'esprit jubile. Qui habille colore la vie. Les t-shirts Disney, ce n'est pas réservé qu'aux... Aujourd'hui, toute la famille trouve chez Kiabi des t-shirts avec ses héros préférés. Et pour nous les filles, le top de l'été, c'est le débardeur Disney, très tendance, très fashion, en 5 coloris à seulement 6 euros. Oui, 6 euros le débardeur Disney. Du 1er au 14 juin, conditions en magasin et sur Kiabi.com. Kiabi, la mode à petit prix. Que vous êtes gâtés. Et encore un prix inratable. J'ai eu, ben oui. C'est la tomate ronde en grappe catégorie 1, origine France à 99 centimes seulement le kilo. Répétez ça. 99 centimes le kilo de délicieuses tomates rondes en grappe si parfumées. Moi, j'en conclus, c'est inratable. Un point c'est tout, y a pas à discuter. C'est jusqu'à samedi dans les Hyper U et Super U participants. Liste sur magasin.com. Les nouveaux commerçants. Le footballeur Antoine Griezmann et le rugbyman Fabien Galthié. Tu vois, Antoine, nous au rugby, le ballon, on le sublime. Le ballon, on le prend en main, on l'aime, on le protège, on le fait vivre. Et parfois même, on le transforme. Bah nous au foot, tu vois, le ballon, on le trouve chez Sport 2000. Regarde, c'est pas beau ça? Ah, subjugant. Le championnat d'Europe, ça match avec Sport 2000. Jusqu'au 19 juin, le ballon France est à moins 50%, soit 9,95€ seulement. Sport 2000, ça match. Sur maman, tu me racontes une histoire. Alors, il était une fois un pneu Volkswagen. C'est quoi? C'est un pneu assuré 3 ans quand il est cassé et remboursé à 100% la première année. Mais tu lui racontes quoi là? Une belle histoire. Ah, oublie pas celle du pneu Dunlop 16 pouces à 71€ seulement. Oh, si toutes les histoires finissaient aussi bien qu'une offre Volkswagen. En ce moment, pour 4 pneus achetés, on vous offre le maillot de l'équipe de France de football pour 1€ de plus. Prenez rendez-vous sur volkswagen.fr/RDV. Offre réservée aux particuliers jusqu'au 13 juillet chez les partenaires participants. Conditions sur volkswagen.fr. Europe 1, Roland Garros 2016. Les demi-finales hommes sous un ciel bas, menaçant, morose, bref, Christophe Lamarre à Roland Garros, c'est pas véritablement l'extase. Ah non, effectivement, c'est pas véritablement l'extase. Enfin, on assiste quand même à deux magnifiques parties de tennis. C'est vrai qu'on aurait aimé peut-être un petit peu plus de suspense en ce qui concerne Wawrinka Murray, parce que pour l'instant, eh bien, le Britannique est plutôt bien parti dans cette rencontre. Il mène une manche à zéro. Il a fait le break dans le deuxième set puisqu'il mène 3-1. Wawrinka est au service pour tenter de revenir à 3-2 et de rester encore un petit peu au contact et ne pas voir l'Écossais s'envoler au cours de cette deuxième manche. Sur le court, Suzanne Lenglen, souvenez-vous de cette formule. Le présent Djokovic rencontre le futur incarné par Dominic Thiem. Comme quoi, il vaut mieux penser à demain, ou plutôt mieux penser le présent plutôt qu'à demain, parce que en l'occurrence c'est le présent qui est plus fort que le futur. Djokovic qui mène 2-0 face à Dominic Thiem, mais parce qu'il y a un mais, l'Autrichien semble se révolter dans cette troisième manche. Il a fait le break, il mène 3-0, et là encore Novak Djokovic est au service pour tenter de revenir à 3-1 et rester quelque peu lui aussi au contact. Peut-être que ce match n'est pas terminé parce qu'on a vu un petit peu trop vite Djokovic dominer son adversaire. On s'est dit que finalement cette rencontre allait être pliée en 3-7. Ce ne sera peut-être pas le cas. Dominic Thiem qui a donc fait le break dans cette troisième manche. Il mène 3-1, mais il est mené 2-7-0. Et sur le court central, Philippe Châtrier, eh bien, c'est Stan Wawrinka qui est plutôt en difficulté. Une manche à zéro pour l'Écossais qui a fait le break dans le deuxième set. Il mène 3-1. Rappelons que la finale dames opposera Serena Williams, qui est en quête d'un quatrième succès ici et surtout d'un 22e titre en Grand Chelem, ce qui lui permettrait d'égaler le record absolu détenu jusqu'à présent par l'allemande Steffi Graf, Serena Williams, qui affrontera une adversaire qui peut s'avérer redoutable, finaliste à Wimbledon l'an dernier, l'espagnol Garbiñe Muguruza. Merci Christophe Lamarre. À tout à l'heure, 17h, la suite des Pieds dans le Plat avec Cyril Hanouna sur Europe 1. Europe 1, les Pieds dans le Plat, 16h, 18h30, Cyril Hanouna. Je suis très inquiet, les mecs. Vous nous rejoignez, on a fait un l'éthylotest à Jean-François Quéré. Alors ils disent vert, un petit peu vert, c'est inférieur au taux limite. Très vert, c'est supérieur au taux limite toléré. Et orange, bah il y a pas d'alcool. Ouais. Alors l'éthylotest, il me connaît. Alors il sait très bien. Hein, on est copains avec l'éthylotest. Non mais parce que là il y a un petit peu de vert. Quand même. Non il y a aucun vert là. Arrêtez. C'est si, il y a du vert. Si. Mais non, mais c'est orange. Non c'est du vert en bas là. C'est pas de la moitié. Oui mais c'est rien. Non, mais c'est rien du tout. C'est rien du tout. Donc par ça, rapport c'est... à ce que tu tiens, c'est rien du tout. Bah oui, c'est rien. C'est rien. Ça veut dire j'aurais que là, pu faire beaucoup mieux. J'étais très en forme. Non, mais là, c'est orange. Hein. C'est orange. Hein. Vous passez même pas les qualifs. Non, mais là, on a fait une mauvaise manip. C'est pas possible. La première fois que j'ai utilisé un éthylotest comme ça, ancienne version, parce que c'est avec le ballon, c'est parce que j'étais parti faire du canoë kayak avec des copains. Et on s'était dit, on va prendre du vin, on va boire, etc. On s'était arrêté de faire un pique-nique. On avait bu pas mal. Et on s'était dit, avant de reprendre notre route en canoë, on s'est dit, on va voir si on est vraiment bourré. Et on l'a fait, on a perdu un bateau. On a perdu un bateau. Mais c'est parti. Il est formidable. Attendez, moi j'ai une question, Jean-François. Oui. Il est content. D'où vous vient cette réputation d'alcoolique, alors? Je ne sais pas. Je sais pas. Non, mais les gens sont vraiment méchants. Ils sont envieux, je pense. Ils savent que je tiens bien. Alors, bah, évidemment. Les gars, on peut pas appeler un policier sans déconner qui vienne directement ici. Non, mais parce que maintenant, c'est vrai, il a raison. Il y a des éthylotests sans le ballon. Oui, c'est électronique. Ils arrivent juste... j'ai fait ça hier soir, en plus. Non. Alors, si. t'as gagné? Non, mais à la sortie de Roland-Garros, en fait, il faisait ça pour voir. Il y avait une soirée à Roland-Garros et il faisait ça pour voir si les gens étaient capables de prendre leur voiture ou pas. Et donc, tout le monde soufflait dans l'éthylotest électronique. À la sortie et ça va très vite, c'est que vous soufflez et là il vous donne votre chiffre et donc personne n'a pu rentrer on peut pas avoir ça, nous, sans déconner, on peut pas avoir ça. On peut pas appeler le commissariat du 8e ou un truc comme ça. Voilà, franchement, non, mais sans déconner, voilà, le commissariat le plus proche, il est où? Mais il y en a un juste à côté là, non? Non, il y a beaucoup plus près. Il y a juste à côté la rue de la Trémoille, là, il y en a un. Rue de la Trémoille, il y en a un juste à côté. Je les connais. Il va falloir prendre rendez-vous. On dit qu'on est inquiet pour notre copain. C'est lequel là qu'on appelle? Ouais, en cas d'urgence, t'as vu? Ils font patienter. Ah, on me dit, un ami à moi me dit que c'est bon, il est là, il est dans le public, il y a Alex, le flic, qui va venir. Ah, voilà. Commissariat du 8e, bonjour. Oui, bonjour, madame. Commissariat du 8e, bonjour. Oui, Jean-François, bonjour. C'est celui de la Trémoille, demandez-lui celui-là. Vous êtes à la Trémoille, rue de la Trémoille? Non, avenue du général Eisenhower. Ah, c'est qui? Attends, ne parlez pas en même temps, sinon je comprends pas. Et d'ailleurs, votre question n'est pas claire. Bah ouais, mais enfin en même temps. Il y a deux personnes qui parlent en même temps. C'est pour ça. Ah bon, m'engueulez pas, madame. Vous avez rien fait encore. Non, hein. Attention. Je vous engueule pas. Mais non, mais c'est parce qu'on cherche en même temps qu'une autre personne. Vous êtes où? Nous sommes E avenue du général Eisenhower. Mais c'est dans le 8e. Dans le 8e, commissariat du 8e. Bonjour, je vous ai dit. Ah. Oui. Mais pourquoi vous êtes fermé? Vous êtes au 1 avenue du général Eisenhower. Vous êtes sûr quand vous êtes venu au 1 avenue du général Eisenhower? Mais vous répétez toujours la même chose. C'est un perroquet ou... Mais c'est pas un perroquet. Vous me demandez si je suis fermé. Je vous dis que vous êtes au 1 avenue. Christiane Taubira. S'il vous plaît, un petit peu. Un petit peu de respect pour la marée-chaussée. Madame. Voilà, vous manquez de respect. Non, mais je peux pas vous laisser les deux seuls. Non, mais l'autre, là, c'est le comédien, il a la tête, et il parle mal à tout le monde, là, il a la cœur. Et l'autre, là, il est bourré. Non, mais sans déconner. J'ai reconnu une voix que je connaissais. J'ai reconnu une voix. Je me suis dit. Non, vous n'êtes pas gentil. Non, mais vous n'êtes pas sympa. Est-ce qu'on peut avoir le commissariat le plus proche? Il y en a un à 150 mètres. Sinon, les gars, ça va être aussi simple que ça. Je vais y aller moi-même, directement au commissariat. C'est vraiment, il faut traverser la rue, hein. Donc voilà, c'est juste à côté. Il y en a un là. Enfin, je vais y aller moi. On va envoyer quelqu'un. Valérie. C'est maintenant, vous, quand vous dites vous y allez, vous envoyez quelqu'un. Alors, moi, ce que je propose, c'est qu'on fasse un jeu. Voilà, pour désigner celui qui va aller au commissariat à côté et aller chercher les pilotes. Et vraiment aller chercher un fils. À mon avis, ils en ont pas, les gars. Non. Les chéris, on va faire un jeu très simple. Vous allez tous mettre votre main derrière le dos. Si. Vous allez tous mettre votre main derrière le dos. Vous allez tous, faire un chiffre avec une main. Ouais. D'accord? De 0 à 5. Ouais. Je vais compter à partir de Jérôme Commandeur. Ça veut dire, par exemple, on va faire un essai, regardez. Mettez tous vos mains derrière. On fait un essai. 1, 2, 3. C'est un essai, ça. Voilà. Donc, ça fait 5, 8, 3, 11. 3 pour commandeur et 5 pour Benaïm. 14 plus 5, 19. Je compte à partir de commandeur. Et quand ça tombe 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Ça tombe sur 19. C'est la personne qui y va. OK? Il est bluffant. On y va. Attention, on va voir qui va chercher l'éthylotest. Attention. 3, 2, 1, on démarre à de commandeur, hein. 3, 2, 1, top! Ce qui fait 7 et 3, 10 et 1, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. C'est ça. J'aurais préféré que ce soit attendez, peut-être sauvé parce que je crois qu'il y a un policier qui est là. Sauvé par le gong. Ah, oui. Ah vraiment, on est peut-être sauvé. Alors, on vous donne les infos dans un instant. Ouais. Le temps d'écouter Marina Kaye, qui est Freeze You Out. Elle a froid, elle a une bande de folie. Ouais. À tout de suite. Elle a froid au Freeze You. On a des bonnes et des mauvaises nouvelles. On a une bonne nouvelle, c'est que je kiffe bien le titre de Marina Kaye. Ah oui. Mais ça n'a rien à voir avec la choucroute. D'accord. La choucroute aujourd'hui, elle est à côté de nous, elle s'appelle Jean-François Kéré. Elle est dans un état, la choucroute. Ah oui, on a une choucroute. Ah ouais, là, on a une choucroute dans un état. Il a bu toute la nuit, le gars. Alors, il a soufflé dans l'éthylotest, et franchement, non. Il bouge pas, l'éthylotest. Non, il bouge pas, non, il bouge pas. Non, donc, on a mal. On a fait une erreur, donc c'est pas possible. Est-ce que vous pouvez rappeler ce que vous avez bu? Alors, monsieur le commissaire, j'ai bu pour commencer, j'ai dû boire trois pintes de bière. On rappelle bien sûr que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, le rappellera à chaque fin de phrase de Jean-François. Mais c'est une machine à écrire sans danger, hein, on peut y aller. C'est une machine à écrire, je tape à un doigt. Allez-y. Et ensuite, on a bu chacun presque une bouteille de vin, parce qu'on a pris deux bouteilles en fait. Hein. Ensuite, on a bu de la prune, et puis de la prune bien servie. Hein. Voilà. Attention, hein, c'était de la très bonne prune. Mm-hmm. C'était de la très bonne prune. Et ensuite, on a repris des bières. Et c'est là que le Sénégalais est intervenu et qu'on a acheté les tours Eiffel. Oh là, oh là, oh là, oh là. Il vient d'où ce Sénégalais? Est-ce qu'il a ses papiers? Ça n'est pas le problème au PJ. On prend la déposition. On a acheté les tours Eiffel en Sénégalais après avoir bu de la prune. On a négocié des tours Eiffel en Wolof parce qu'on parle Wolof aussi. Bourré, vous parlez Wolof. Ouais. Non, pas bourré. Ah bon? Amour Khalis, etc. J'ai pas d'argent. Les prix, alors Ben, Niar, Niet, Niet et Fuchs. Qu'est-ce que c'est que je compte en Wolof aussi. On a un problème avec la personne. Qu'est-ce que c'est le Wolof, chef? C'est une marque de vodka. C'est une. Alors on a bu de la vodka Wolof. C'est genre Smirnoff, quoi. D'accord. Ouais, je mets Smirnoff parce que je le connais. C'est un dialecte. Mettez Romanov. La vodka, Anne Romanov. Ok. Donc là, pour l'instant, normalement, franchement. 3-4 litres, là. Oui, non, mais là aussi. À peu près. Mais moi, chef, j'ai bizarre. Un litre de bière. Ouais. J'ai une bouteille de vin. Ouais. Et j'ai de la prune à volonté, comme chez Flunch. Et alors? Et t'as vu dans toi, je suis quand même frais. Avec tout ce que je me suis mis dans le cornet. Ah, c'est le quand même. Ce qu'on aimerait avoir, c'est un éthylotest électronique. Alors, on a un ami policier qui est venu, mais il est venu en ami, parce qu'il n'a pas le matériel sur lui. Voilà, donc merci Alex d'être venu. Merci Alex. Maintenant, est-ce qu'on pourra avoir une personne? Jérôme Commandeur devait pas aller au commissariat. Mais sinon, vous savez, il y a aussi des trucs tout simples. Hein, il faut le mettre sur un pied pour voir s'il tient et combien de temps il tient. Non. Moi, ce que je propose, c'est que je vais essayer d'aller moi-même dans la rue. Je vais aller dans la rue. Je vais essayer d'arrêter une voiture de police. Donc, alors peut-être pas moi parce que je dois un petit peu animer l'émission. Ah oui. Donc, Jérôme Commandeur. Quel est le con qui lui a donné mon nom? Je pense qu'il faut aller dehors. Et ouais. Non, mais moi, on va ouvrir ici. Dès qu'on voit une voiture de police à passer, on l'arrêtera et on verra s'ils ont un éthylotest électronique, d'accord? Alors, pas avec le gyrophare allumé, parce qu'il est peut-être en intervention. D'assure. On ne gênera pas la maréchaussée. L'action, bien sûr, de la maréchaussée au sein de la région de PACA. Tout de suite. Ce soir, de 20h à 22h, Frédéric Taddeï reçoit ceux qui font la culture et les idées d'aujourd'hui. C'est Europe 1 Social Club. Des historiens, metteurs en scène, écrivains seront autour de Frédéric Taddeï et notamment Patricia Bouchonneau-Deschamps du Centre de Recherche au Château de Versailles pour son livre sur le roi des jardiniers et jardinier du roi, André Le Nôtre. Le Social Club, 20h-22h sur Europe 1. Tout à l'heure, vers 18h55, une personnalité fan de foot raconte son match parfait à Estelle Denis. Le match de sa vie, c'est avec Continental, sponsor officiel de l'UEFA Euro 2016. Bon chéri, faut qu'on fasse des économies. Ok, on n'a qu'à refaire toute notre cuisine. Quoi? Oui, on change pour une cuisine éco-responsable. Un réfrigérateur qui consomme moins, un robinet économe en eau. On va faire des économies. C'est sûr, vu comme ça. C'est le moment de changer. Jusqu'au 25 juin, IKEA vous offre 10 euros en bon d'achat par tranche de 100 euros d'achat sur tout l'univers de la cuisine. Meubles, électroménagers, ustensiles, art de la table, le restaurant et l'épicerie suédoise. Sur présentation de la carte gratuite IKEA Family, détails sur IKEA.fr. IKEA. Edelweiss, s'il vous plaît. Nous sommes réunis ici au cœur des Alpes pour unir les arômes fruits des bois et fleurs de sureau dans la bière Edelweiss. Fleurs de sureau, voulez-vous devenir une saveur inédite de la bière Edelweiss? Oui, je le veux. Fruits des bois, promettez-vous de la rendre unique et délicieuse? Oui. Alors je vous déclare bière Edelweiss aromatisée, fruits des bois et fleurs de sureau. Vous pouvez déguster la bouteille. Edelweiss au sommet du goût. Et découvrez aussi Edelweiss, l'original blanche, né dans les Alpes. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Lloris passe à Boateng. Boateng pour Messi. Oh là là, Messi accélère. Oh, il évite le tacle de Toulala en centre pour Ronaldo. Oh, superbe retourne acrobatique de Ronaldo. Bouffon est battu. Quel but. Super. L'intégralité de l'UEFA Euro 2016 avec beIN Sport et 100% de la Ligue 1 et de l'UEFA Champions League, les plus grandes compétitions enfin réunies dans une seule offre. En ce moment, retrouvez Canal Plus et beIN Sport à 30 euros par mois dans les offres Canal pendant un an. Rendez-vous sur lesoffrescanal.fr. Offre soumise à condition pour tout nouvel abonnement simultané aux chaînes Canal Plus et à beIN Sport. Oh là là, balle de match pour le français. Mais oui, il sert. C'est le grand retour de l'alerte discount spécial frais. Aujourd'hui et demain, les 6 steaks à griller Origine France sont à 6,99€ le kilo chez Netto. Avec l'alerte discount spécial frais, on est toujours bien servi. Netto, le discounter qui fait la différence. Viande bovine, une étoile, 900 grammes environ. Avec Maxime et sa femme qui observent des poissons. Bah, ils profitent de la mer avec leur nouveau kit masque et tuba sans de tribord. Masque très confortable avec jupe en silicone qui épouse parfaitement la forme de leur visage. Ah, je vous interromps là, mais Maxime se fait dépasser par un gros mérou. Petite frayeur. Oui, c'est ce qu'on appelle une queue de poisson. Chez Decathlon, du 18 mai au 18 juin, préparez l'été avec le kit adulte masque et tuba sans de tribord à 7,99€ seulement. Decathlon, à fond la forme, voire conditions en magasin et sur decathlon.fr. Europe 1, 16h, 18h30, les pieds dans le plat. On va se retrouver dans un instant sur Europe 1 et sachez que je suis en intervention dans la rue pour chercher une voiture de police ou une estafette de police ou fourgonnette ou autre, bien sûr, véhicule interchangeable à tout de suite. Pomme de terre nouvelle, cherche poulet fermier aimant le grand air pour vivre une relation très nature. Rendez-vous chez Grand Frais. Justement, jusqu'au 4 juin, le poulet fermier label rouge est à 5,99€ le kilo seulement. Le meilleur marché, c'est Grand Frais. Prêt à cuire, origine France. Magasin participant sur grandfrais.com. Salut, c'est Magali de Beauté Blog. Le smoky des défilés, ce n'est pas réservé qu'aux stars. Chez Sephora, ils font ça très bien. Une soirée imprévue ? À l'aise le regard de braise. Au Make-up Bar, le smoky, c'est gratuit et sans rendez-vous. Des experts qui savent faire, ça change tout. Sephora, au cœur de la beauté. Maquillage ciblé réalisé par les conseillères Sephora selon disponibilité. Europe 1, 16h, 18h30. Les pieds dans le plat. Et un vendredi, ça s'y prête. On parle week-end avec votre séjour de détente et bien-être à gagner dans les pieds dans le plat. 3 jours, 2 nuits en formule petit déjeuner à l'hôtel 4 étoiles Thalasso Spa Les Flamants Roses à Canet-en-Roussillon, c'est près de Perpignan. Vous profiterez notamment de 4 soins par jour et par personne dans le cadre de la cure de remise en forme. Inscrivez-vous par SMS en envoyant PDLP au 739-21. 65 centimes le message de SMS pour participer au 39-21, 50 centimes la minute plus coût de l'appel. Bonne chance. Les pieds dans le plat sur Europe 1. Nous sommes sur Europe 1 et nous sommes toujours sur l'affaire Kéré. L'affaire Kéré, Jean-François Kéré, qui apparemment est en état d'ébriété, mais il a soufflé dans l'éthylotest, enfin qu'on a été acheté à la pharmacie, et apparemment il ne se passe rien. Mais vraiment, si lui n'est pas bourré, j'ai envie de dire qui est bourré, hein, vraiment. Donc on va essayer d'aller chercher un éthylotest électronique et d'avoir la marée chaussée avec nous. Il faut savoir que Jean-François Kéré est rentré directement de soirée et directement Europe 1. Ouais. Il nous a dit exactement ce qu'il avait bu, Jérôme Commandeur, pour les auditeurs qui nous rejoignent. Est-ce que vous pouvez nous dire exactement quels sont les différents liquides qu'il a ingérés? Oui, Cyril, je suis au service d'addictologie de l'hôpital Cochin. Donc, effectivement, il semblerait que Jean-François Kéré ait ingéré, a priori, hein, je parle au conditionnel, Cyril, 1 litre de bière pour lui et son camarade qui l'accompagnait. On est ensuite sur plusieurs bouteilles de vin, de 75 centilitres chacune, bien sûr. À combien? Et, à deux? Et sur plusieurs litres, hein, on peut vraiment parler de litres à l'heure qu'il est, de litres de digestif de prune. Allez, je pars en intervention, je pars dans la rue pour essayer de trouver donc une fourgonnette de police. Ça y est, je me trouve actuellement dans la rue et ici, je vous le dis, il ne se passe rien. Attention quand même, parce qu'il y a une jeune fille qui veut filmer, mais elle se met au milieu de la route. Elle va quand même nous passer sous un camion, là, sous un camtar. Donc voilà, pour l'instant il y a des voitures de type caucasien, voilà qui passent. Donc des voitures, voilà, des la Skoda, il y a de la Lada. Mais Cyril, éventuellement, pouvait arrêter une voiture parce que normalement pas électronique. Ouais. Peut-être je peux arrêter une voiture pour qu'elle m'amène à un commissariat. Alors peut-être. Peut-être au commissariat plus proche, ouais. Monsieur. Ouais. Monsieur, non, les gens me saluent, les gens sont assez contents. Mais les gens passent devant moi, ils ont peur. Ah, Cyril, tiens, Cyril, monsieur. Il faut monsieur, que vous trouviez un habitant. Bonjour, monsieur, comment ça va? Monsieur, nous, ça va bien. Très bien, et vous? Monsieur, est-ce que vous pouvez m'amener à un commissariat le plus proche ou pas? Si vous me dites où il est, oui, avec plaisir. Ouais, je crois qu'il y en a un à côté, merci. J'y vais, je pars avec un monsieur, là. D'accord. Je vais au commissariat. C'est Philippe de Dieu le veut, la chasse au trésor. Merci monsieur, vous êtes un amour. Comment vous appelez? Jacques. Alors on y va. Et merci monsieur, vous êtes un amour. Je crois qu'il y en a un juste à gauche là. Merci. C'est quand même surréaliste. Bonjour monsieur, il m'a embrassé sur la bouche et tout, c'est pas possible. Merci. Je crois en plus qu'il y va pour rien parce que je crois qu'il est fermé le commissariat de juste à côté. Le mec il est en train de faire 100 mètres pour rien en fait. Mais bon, c'est pas très grave, hein, mais en même temps on est débarrassé du gars. Attendez, parce que j'ai un petit doute. Je viens de voir la voiture passer. il y avait quand même un cadavre sur la banquette arrière. J'ai peur qu'il soit monté avec un type un peu dangereux. Un macabre. Et les gars, si on faisait le Kyoto Top et genre bah je prends sa place et on se pose des questions et tout. C'est bien. Allez-y, on fait ça. Allez-y. Europe 1. Les pieds dans le plat. Qui est au top aujourd'hui? Bonjour les amis. Bonjour Valérie. Salut. Ah, comme je suis contente de vous voir autour de la table. Je vous demande d'applaudir très fort Jean-François Quéré. Bonjour. Estelle Denis. Jérôme Commandeur. Bravo. Et si on jouait au Qui est au top? Ah, mais oui, ah ouais, super. Et on va démarrer avec Jean-François Quéré qui est en pleine forme. Absolument. Et qui a toute la possession de ses moyens intellectuels. Alors on y va, première question, c'est parti. Près d'Orléans, deux braqueurs de supermarché ont été arrêtés alors qu'ils tentaient de s'enfuir d'un moyen plutôt insolite. Mais comment, à votre avis? En barque? Non. À la nage. Excellente réponse d'Estelle Denis. Bravo. Donc en fait... C'est fou. On est peu de choses dans ce métier parce qu'on a déjà oublié Cyril Hanouna. C'est fou, hein, vous avez vu. C'est fou, hein. C'est comme s'il n'avait jamais existé. C'est incroyable. Mais c'est aussi dû à mon talent, je crois. On peut le dire. Tout à fait. Alors, je raconte l'histoire. En fait, l'OPJ qui nous raconte cette histoire, ils ont d'abord tenté de prendre la fuite en voiture. Mais évidemment, comme il y avait de la pluie, ça a été impossible. Et ils ont finalement décidé de partir à la nage. Et ils se sont évidemment fatigués assez rapidement. Et ils ont été interpellés par les collègues. N'est-ce pas, monsieur? Oui, tout à fait. C'est une affaire, j'allais dire, c'est une sombre affaire. Ah oui. Et comment se sont-ils comportés? Vous avez réussi à les interpeller sans... Oui, je vais vous dire, madame... Mélanie. Les pillages, oui. En cas de j'allais dire, d'intempéries... Des pirates modernes. Exactement, des catastrophes naturelles, j'allais dire, c'est... Nous, on a l'habitude de dire, dans le milieu policier, c'est surajouter du mal au mal. Mais qui dit ça? La police. Les milieux policiers. C'est nous. Elle n'écoute rien. Non, d'accord. C'est pas grave. Okay. C'est-à-dire que les gens sont déjà dans une situation, j'allais dire, extrêmement catastrophique, puisqu'ils ont de la pluie jusqu'au frifri. Et on surajoute des vols, du pillage, etc. Ah. Donc, les deux voleurs ont été, je vous le dis, ont été tasés. Ah oui, carrément. Exactement. Vous n'avez pas eu peur avec l'eau parce qu'électro... Non, pas du tout. C'est pas des chanteurs. Non, c'est pas Paul François. Et ils ont été lapidés. Ah oui. Ils ont été dépecés. Les corps ont été mis dans des sacs plastiques individuels. Et vous travaillez en Corée du Nord ou... Et ensuite, tout ça est parti dans un crématorium. Et je peux vous dire que bizarrement, le taux de pillage va baisser. Voilà. Ouais, on plaisante, mais c'est l'occasion aussi évidemment de faire un gros bisou à tous ceux qui... À tous les pilleurs, voilà. Tous ceux qui sont dans la détresse en ce moment. Malheureusement, c'est vrai qu'on pense fort à eux parce que c'est des situations assez compliquées. On marque une petite pause. Allez. On va voir si on réussit à récupérer Cyril. On se retrouve dans quelques instants. Il reste du vin ou... Europe 1, les pieds dans le plat, 16h-18h30, Cyril Hanouna. Ça fait 2 ans. 2 ans depuis ce jour où j'ai pris la voiture pour aller chercher le pain. 2 ans que je regrette de m'être dit que j'avais pas besoin de ceinture. 2 ans que ma vie a basculé à 300 mètres de chez moi. 2 ans que mon fils aîné fait mes lacets, que son petit frère m'aide à manger, et que ma femme s'occupe du reste. Tout le reste. Attachez votre ceinture. Attachez-vous à la vie. Sécurité routière. Tous touchés, tous concernés, tous responsables. Et là, je dis à mon beau-père qu'avec Direct Energy, j'économise 10% sur l'électricité et le gaz. Et là, il me dit que lui aussi, mais que lui, ça fait 2 ans. Ah, et donc? Ben, j'ai repris du dessert. C'est moche. Avec Direct Energy, en 5 minutes et dès aujourd'hui, vous pouvez payer votre électricité et votre gaz jusqu'à 10% moins cher. Appelez le 3099 ou rendez-vous sur directenergy.com. Services et appels gratuits, voire conditions sur site. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. Allô patron? Des nouvelles de Lidl? En primeur, de Noirmoutier. De Lidl ou de Noirmoutier? Des deux. Aujourd'hui et demain, chez Lidl, ils font les pommes de terre primeur de Noirmoutier à 1,79€ le sachet d'1 kg. Oh purée. De la belle, de la bonne pomme de terre de qualité avec un goût légèrement sucré. Le top quoi, pour seulement 1,79€ le sachet d'1 kg. Oh, t'arrêtes de faire l'article, oui. Désolé, je sais, on est mal, très mal. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Plus d'informations sur Lidl.fr. Origine France, variété Sirtema ou Lady Crystal selon magasin, catégorie 1, calibre 35-55. Intersport. Vous allez adorer l'été chez Intersport. Dès le 25 mai, les chaussures en toile homme Jack & Jones sont à 24,99€ au lieu de 39,99€, soit 37% de réduction. Intersport, le sport commence ici. Offre valable dans la limite des stocks disponibles. Conditions et listes des magasins participants sur intersport.fr. Baptiste, oui. On voit les bulbes, les fleurs et les graines. Ok. Tu peux me donner les baguettes aussi. Voilà. C'est bon. Maintenant, il me faut la tuyauterie. Ouais. Et la caisse à outils. Et passe la peinture aussi. Ouais. Ah, et prends la viande de bœuf. N'oublie pas le poisson. Et charge la bétonnière. Jusqu'au 30 juin chez Ford, profitez d'une offre exceptionnelle pendant le mois de l'utilitaire avec la gamme Ford Transit Euro 6 à partir de 8 990 €. Offre pour un transit courrier ambiante TDCI 75 chevaux Euro 6 réservé aux professionnels. Montant hors taxe, voir Ford.fr. Le rouge et le noir, l'opéra rock. Le mot amour est trop faible. Je sens pour toi ce que je devrais sentir uniquement pour Dieu. Bonjour, c'est Aïlen. Dans Le Rouge et le Noir, l'opéra rock, je serai Louise de Rennes. Le Rouge et le Noir, l'opéra rock, dès septembre 2016, au Palace de Paris. Infos et réservations sur lerougelenoir.fr. Qui habille colore la vie. Les t-shirts Disney, ce n'est pas réservé qu'aux... Aujourd'hui, toute la famille trouve chez Kiabi des t-shirts avec ses héros préférés. Et pour nous les filles, le top de l'été, c'est le débardeur Disney, très tendance, très fashion, en 5 coloris à seulement 6 €. Oui, 6 € le débardeur Disney. Du 1er au 14 juin, conditions en magasin et sur kiabi.com. Kiabi, la mode à petit prix. Carrefour, à vos côtés avec les Bleus. Dites, tout le monde a son maillot pour soutenir les Bleus. Les matchs commencent bientôt, non? Tout à fait. D'ailleurs, on est passé chez Carrefour avec Tristan. Le maillot de supporter de la Fédération Française de Football est à seulement 9,90 €. Il me va bien, non? Oui, oui, il est pas un peu serré? Mais non, j'ai trop de muscles, c'est tout. Papa, en fait, je crois que t'as pris le mien. Jusqu'au 6 juin, dans vos hypermarchés Carrefour, le maillot de supporter de la Fédération Française de Football est à 9,90 €. Blanc ou bleu 100% polyester. Existe de la taille SAXL pour adultes. Carrefour. But lance sa nouvelle collection. Venez vite la découvrir et en ce moment, profitez des nouveautés à prix de lancement. But, c'est nous. Produits signalés en magasin et sur but.fr. Europe 1, 16h, 18h30. Les pieds dans le plat. On se retrouve juste après 17h. On va voir si on arrive à récupérer Cyril Hanouna qui est allé chercher un éthylotest dans un commissariat, mais le commissariat est fermé. Va-t-on récupérer ce garçon? Je ne sais pas. Tout de suite sur Europe 1. Il est 17h, vous êtes bien sur Europe 1, on fait un point sur l'actualité avec vous, Isabelle Millet. Bonjour Isabelle. Bonjour Valérie, bonjour à tous. Et le niveau de la Seine continue de monter à Paris, le pic est attendu dans la soirée. On vous retrouve tout de suite Valérie Darmon, bonsoir. Bonsoir Isabelle, on craint, bonsoir à tous. On craint donc le pire Valérie dans la capitale pour les prochaines heures. Oui, puisque le pic de crue à Paris devrait être atteint ce soir ou cette nuit, entre 6,30 m et 6,50 m sur la partie ouest de la Seine. La Seine qui ensuite se maintiendra en phase de plateau tout au long du week-end avant d'amorcer la décrue dimanche. À Suresnes, dans le 92, on dépassait déjà la côte de la crue de 1982 ce vendredi midi. À Poissy, dans le 78, la hausse est bien entamée avec 1,50 m pris en 24 heures. Le niveau d'eau est de 21,50 m. Et sur ce tronçon des boucles de Seine, entre Chatou et Mantes-la-Jolie, le pic de crue passera pendant le week-end. Pic attendu samedi à Poissy et dimanche à Mantes. Mais l'on ne devrait pas atteindre les niveaux de 82. En amont, en revanche, une lente décrue s'amorce déjà. C'est le cas à Melun dans le 77. Le ciel, lui, il est à l'accalmie. Moment de répit donc pour les sinistrés. Les averses devraient reprendre demain sur un bon quart nord-est jusque sur l'est du bassin parisien sans donner normalement de cumul significatif. Eh bien, merci beaucoup Valérie Darmon. Et c'est pour l'instant dans l'ouest de la capitale que la situation semble la plus préoccupante. Des évacuations sont d'ores et déjà envisagées à Rueil-Malmaison ou encore sur l'île de la Jatte, l'île Saint-Germain, le camping du Bois de Boulogne. Une école maternelle a déjà été évacuée à Asnières-sur-Seine dans les Hauts-de-Seine. Des inondations qui provoquent de grosses difficultés de circulation. À l'est de la capitale, plusieurs échangeurs entre l'A4 et le boulevard périphérique sont fermés. Le tunnel de l'A86 qui relie Jouy-en-Josas à Rueil-Malmaison est également fermé depuis 15 heures. Tunnel de 10 km de long. La ligne C du RER ne circule plus entre Austerlitz et Versailles-Rive-Gauche et entre Austerlitz et Pontoise. Et pour ce qui est des métros, la station Saint-Michel et celle de Cluny-la-Sorbonne sont fermées par précaution, mais les métros passent sans marquer l'arrêt. Le musée du Louvre est resté fermé aujourd'hui. Les œuvres d'art stockées en réserve sont remontées dans les étages. Fermeture également du musée d'Orsay, du Grand Palais et de la bibliothèque François Mitterrand. Et dans ce contexte, troisième jour de grève à la SNCF. Un peu moins de grévistes qu'hier, mais encore beaucoup de perturbations. 6 TGV sur 10 en moyenne, 1 TER sur 2, 1 intercité sur 3. En Ile-de-France, 4 transiliens sur 10. Il est par ailleurs particulièrement difficile ce soir de prendre un train depuis la gare de Lyon à Paris vers le sud. La SNCF a exceptionnellement décidé d'interrompre la vente de billets jusqu'à nouvel ordre. Elle appelle les passagers à reporter leur voyage. On part tout de suite à Roland-Garros. Roland Garros sur Europe 1. Roland Garros, où l'on connaît désormais l'affiche de la finale dames, l'américaine Serena Williams s'affrontera l'espagnole Garbiñer Muguruza. Et on vous retrouve en direct, Corinne Boulou. Chez les messieurs, ce sont en ce moment les demi-finales. D'un côté, le Suisse Wawrinka face à l'Écossais Murray. De l'autre, le Serbe Djokovic contre l'Autrichien Thiem. Et on connaît aussi le premier finaliste, messieurs, puisque à l'instant, le Serbe Novak Djokovic, le numéro 1 mondial, vient de se qualifier. Et il a éliminé en 3 manches le jeune Autrichien Dominic Thiem, qui découvrait les demi-finales dans un tournoi du Grand Chelem. Il est 15e mondial, mais il ira beaucoup plus loin, ce jeune Autrichien talentueux. Mais c'est vrai que là, le numéro 1 mondial a mis la main sur sa demi-finale. Il veut à nouveau une finale ici, la 4e à Roland-Garros pour lui, Novak Djokovic, à qui il manque un seul titre à son fabuleux palmarès. C'est celui de Roland-Garros, battu l'an passé, rappelez-vous, notamment par Stan Wawrinka. Et ce sera donc sa 20e finale en Grand Chelem au Serbe. Dans l'autre demi-finale, on ne connaît pas encore le finaliste, mais pour le moment, avantage à l'Écossais Andy Murray, le numéro 2 mondial, qui mène 2-7-0 face au Suisse tenant du titre Stan Wawrinka, 6-4-6-2. Et le Suisse mène 3-2 dans la troisième manche. Service à suivre, Andy Murray. Et vous suivez ça pour nous en direct. Merci Corinne Boulou. Très belle fin d'après-midi. Vous retrouvez Valérie Benahim et toute la bande des Pieds dans le Plat. Europe 1. 16h, 18h30, les pieds dans le plat, Cyril Hanouna, Valérie Benahim. Voilà, là on est bien. Alors je vous explique en fait, Jean-François Quéré revient directement de boîte de nuit, de restaurant de nuit où il a largement fêté le diplôme d'un copain qui n'est jamais venu. Oui, en gros c'est ça. Et donc Cyril s'est dit, parce qu'il est toujours inquiet pour ses équipes, il faut que je sache dans quel état est réellement Jean-François Quéré, je vais donc aller dans un commissariat chercher un éthylotest. Il se trouve que pour l'instant nous sommes sans nouvelles de Cyril Hanouna. Donc je ne sais pas, soit la maréchaussée a décidé de le garder, ce qui est possible aussi, ou alors il est perdu. Valérie, j'ai appelé Bernard Cazeneuve. Oui. On va déclencher l'alerte enlèvement dans les 15 minutes. D'accord, très bien. Très bien. Je l'ai écrit. Vous avez raison, vous restez en contact. Avec Bernard Cazeneuve. Alors, on continue ce qui est au top pour l'instant. Donc, Estelle Denis a brillamment remporté la première question avec un point. Bravo, tout Estelle. Tout à fait. Merci de le souligner. Je vois qu'Estelle, vous continuez à lire l'actualité et ça, c'est tout à votre honneur. Oui. Bravo. Je savais que vous alliez présenter aujourd'hui, alors j'ai fait un petit effort. Alors, on repart avec la question suivante. Attention, c'est parti. On va parler du monde du poisson pané. Ah. Le monde du poisson pané n'est pas bien. Selon une étude dévoilée hier, à 5% près, combien de pourcentage de poissons contiennent les bâtonnets pour enfants, Jérôme Commandeur? Je vais dire 30. Excellente réponse, 30% pile poil. Bravo. Mais il y a quoi sinon? J'ai envie de dire seulement 30%. Et Jérôme est complètement bouleversé parce qu'il a donné la bonne réponse. Ah oui, donc... C'est une étude de l'association CLCV. Donc dans les poissons panés pour enfants, il n'y a que 30% de chair de poisson. Je pense que c'est quand même une trahison de la part de Captain Igloo. Mais c'est quoi les 70% les autres? Eh ben, les tickets de métro, des mégots, des godasses, des adjuvants, des sacs en plastique, voilà. Non mais moi avec modération. Hein, non mais c'est terrible parce qu'on pense qu'on donne à manger sainement aux enfants quand on leur fait du poisson. Non, on ne pense pas ça, non. Quand on leur fait des poissons panés, on sait. Faut donner du poisson frais, c'est encore. Oui, bizarre, bon, hein. D'accord, mais tout le monde n'a pas les moyens d'acheter du poisson frais, Monsieur Quéré. Et vous imaginez la proportion de crabes dans le surimi. Si on est à 30% dans les. Vous avez raison de soulever le débat, Jérôme Commandeur. Vraiment, vous êtes spécialiste du surimi. Tout à fait. Moi, je. Alors, on me fait savoir oui, que c'est 35% dans le surimi. Vous êtes d'accord, madame? C'est un peu moins. Alors, je me présente, je suis restauratrice connue oui, de... Voilà. Ah, ma musique. En fait, nous, il y a très peu de crabes dans surimi, il n'y en a pas. Il n'y en a pas du tout. Ah, du tout? Parce que normalement, la moyenne, c'est 35%. Vous, c'est zéro. Non. Qu'est-ce que vous mettez? Nous, c'est très bon, c'est de la semelle en crêpe de saussure. Dans vos surimi, oui, c'est qu'on peint en orange et on met ça dans la salade. C'est un petit peu compliqué à mastiquer, non? Ah, mais il faut avoir de bonnes dents, ma salive. Très bien. Écoutez, je vous remercie. Sinon, d'autres spécialités chez vous dans votre restaurant? Oui, nous, à la Zonk d'Or, on a fait... La Zonk d'Or, hein? La Zonk, mais vous dites Zonk, mais moi je dis Zonk. Puisque oui, ça ne prononce pas les dits. Vous nous rappelez l'adresse pour les auditeurs qui souhaiteraient venir? bien sûr, c'est à Rue du Plaisir, à Livry-Gargan. Oui, oui, contrôle USAF, papier USAF, ah, du oui, coup, déménager Livry-Gargan. À côté du Picard, c'est ça? À côté du Picard, ah. Oui, comme ça, on est à côté des produits frais. oui, humour. Mais, non, nous, on fait le tinsa. Tinsa, c'est, on prend du thé, et quand on râpe, et après, avec le son père, on fait, on mélange, et ça donne le tinsa, et après, si vous aimez, vous pouvez rajouter des couleurs, mais moi, je ne fais pas, parce que je suis allergique aux couleurs, mais voilà. Et pour Jean-François Quéré, qui est amateur de grands vins, de grands crus, d'alcool, oui. Vous avez des alcools particuliers? Oui, alors le fournisseur a livré nous grand vin, oui. Très haut de gamme, oui. Qui s'appelle Bulawan. C'est une spécialité asiatique? Oui, oui. Le Bulawan. Ah oui, nous, dès que ça rentre dans un restaurant, c'est asiatique. On s'en fout, voilà. Burger asiatique. C'est 3 étoiles Bulawan. Très bien, mais je vous remercie, merci infiniment. Voilà, je dois... C'est très aimable de passer. D'habitude, les restaurateurs, ils disent, je dois rentrer cuisiner, moi, je dois rentrer déconseler. Elle est très drôle. Allez, on se retrouve dans quelques instants. Tout de suite, on verra si enfin Cyril est de retour. Suspense. Europe 1. Les pieds dans le plat. Cyril Hanouna. Air France. France. La France. Is in the air. Tu les aimes, mes jambes? Ah oui, beaucoup, oui. Et tu les aimes comment? Longues. Oui, mais comment? Je sais pas. Mais bronzé, tant qu'à faire. Air France. France. La France. Is in the air. Avec Air France, découvrez Saint-Martin au départ de Paris à partir de 598 € aller-retour tout compris jusqu'au 8 juin. Tarif aux frais de service pour des départs du 20 août au 4 décembre 2016. Que vous êtes gâtés. Et encore un prix inratable. J'ai eu, ben oui. C'est la tomate ronde en grappe catégorie 1, origine France à 99 centimes seulement le kilo. Répétez ça. 99 centimes le kilo de délicieuses tomates rondes en grappe si parfumées. Moi, j'en conclus, c'est inratable. Un point c'est tout, y a pas à discuter. C'est jusqu'à samedi dans les Hyper U et Super U participants. Liste sur magasin.com. Les nouveaux commerçants. Et si c'était vous? En ce moment, chez Vinci Immobilier, j'achète mon appartement neuf et j'économise jusqu'à 150 € par mois, et ce, pendant 5 ans. En plus, les taux de crédit sont au plus bas. Pour un premier achat, je peux profiter du nouveau prêt à taux zéro. Et si c'était vous? Alors faites comme moi. Rendez-vous sur moi et vinciimmobilier.com pour concrétiser votre projet partout en France. Offre équivalente à 9 000 € de remise immédiate sur le prix de vente soumise à condition et valable dans la limite des stocks disponibles. Éligibilité et mentions détaillées sur moi et vinciimmobilier.com. Le vrai problème des vacances, c'est la décompression brutale du temps. Aucun palier entre une année de travail assidue et une étendue de temps vide. Eh ben, c'est périlleux. La meilleure façon de s'adapter aux vacances, c'est de lire. Ben oui, lire, les livres, c'est un oxygène. Avec quelques bons livres, tous les risques de rater les vacances s'évanouissent. C'est vrai, Fabrice. Mais il y a aussi la musique, les films et plein d'activités chez Cultura pour agrémenter l'été. Cultura, l'esprit jubile. Intersport. J'adore l'été, je vais profiter, camper, marcher et même nager. Tout ce sport, ça me fait rêver. Vous allez adorer l'été chez Intersport. Dès le 25 mai, les t-shirts adultes sont à partir de 9,99 € l'unité. Lotto, Umbro, Jack and Jones, Petrol, Only, Tom Taylor et bien d'autres, à vous de choisir. Intersport, le sport commence ici. Offre valable dans la limite des stocks disponibles sur une sélection d'articles. Conditions et listes des magasins participants sur intersport.fr. Pendant l'Euro, il y aura 552 footballeurs et ils joueront tous dans la même équipe. Cette équipe sera partout, dans votre kiosque, sur votre bureau et même dans votre poche. Cette équipe, c'est l'équipe. Le journal, la chaîne, le magazine, le site. L'équipe, partageons le sport. Et ne manquez pas notre guide spécial Euro 2016. Le journal, plus le magazine, plus le guide de l'Euro l'équipe. C'est demain. Europe 1, 16h, 18h30. Les pieds dans le plat. On se retrouve dans une minute pour les pieds dans le plat. Avec nous, évidemment, Jérôme Commandeur, Jean-François Quéré et Estelle Denis. Et nous attendons impatiemment le retour de Cyril Hanouna. Que se passe-t-il? Vous le saurez tout de suite. Victoire improbable ou doublé légendaire, toutes les histoires qui ont fait le championnat d'Europe de football, racontées par Laurent Deutsch, c'est En route vers l'Euro, ce soir à 17h58, avec Darty. Et pour vivre à fond les émotions de l'Euro 2016, retrouvez dès maintenant le meilleur choix de téléviseur chez Darty. On venait d'avoir le bac, sans mention mais bon, on s'en foutait, on était libre. La vie débutait. On a pris la route pour le week-end, on était 6 dans la voiture. 6 dans ma 5 place a déconné. Mais on était que deux à avoir notre ceinture. Et aujourd'hui, on est que deux encore en vie. Enfin, en vie. C'est pas la vie qu'on espérait. Attachez votre ceinture. Attachez-vous à la vie. Sécurité routière. Tous touchés, tous concernés, tous responsables. Europe 1, 16h, 18h30. Les pieds dans le plat. Et jouer avant de partir en week-end. Les pieds dans le plat, ce sont aussi des cadeaux comme cette enceinte Bluetooth GSB 150 de Grundig. Une enceinte de poche super puissante avec 4 haut-parleurs. Et nous ajoutons une radio Grundig. Jouer avec Cyril Hanouna et Valérie Benaïm par SMS en envoyant PDLP au 739-21. 65 centimes le message de SMS pour participer au 39-21. 50 centimes la minute plus coût de l'appel. Bonne chance. Europe 1, les pieds dans le plat, 16h, 18h30, Valérie Benaïm. Les pieds dans le plat et nous sommes effectivement très inquiets. Cyril a disparu. Jérôme Commandeur, je crois que peut-être il serait temps peut-être de faire une alerte enlèvement. Alerte enlèvement. Nous recherchons un homme de petite taille. Âge 42 ans. Âge mental, 8 ans. Signe particulier, petit bouc sur tout le corps. Pigmentation pakistanaise. Si vous avez la moindre information, joignez Europe 1. Merci Jérôme. Et surtout, si vous le voyez, n'intervenez pas. N'intervenez pas, appelez la police, mais n'intervenez pas. Vous appelez sur l'antenne d'Europe 1 si vous vous apercevez ce petit bonhomme tout bouclé. Qui est pas en mousse. Qui est tout bouclé. Je rappelle les points. Jérôme a un point. Estelle, un point. Je n'ai pas de point parce que c'est normal. Je pose des questions. Et Jean-François Quéré parce qu'il est bourré. Alors, on continue avec la question suivante. Écoutez plutôt cette musique. La pop c'est une recette de cuisine alors chinoise. Justement, de quel pays est originaire cette musique qui était à l'honneur hier lors d'un grand concert à Bercy? Ah, le voilà. J'ai pas les bonnes nouvelles. Ah, vous nous avez tellement manqué, c'était un supplice. Ouais. C'était horrible. Horrible. On a essayé de l'empêcher, mais. Ah là là. Bon, j'ai pas les bonnes nouvelles. Qu'est-ce qui se passe? Oh, mince. Quelqu'un vous a dit non? J'ai fait le tour de Paname pour trouver un éthylotest. Et Valérie, vous mettez votre casque très très fort. Ah oui, oui. Ah non, mais Valérie Benaïm, j'ai mis le casque derrière elle, sans déconner, c'est Papy Mougeot, la meuf. J'adore avoir non, le retour hyper c'est fort. Pas, mais c'est un truc de ouf, quoi, ouais, les mecs. Non, mais vraiment, c'est pas quel... Mais vous avez des problèmes auditifs. Mais non, mais j'adore quand c'est vraiment très, très fort. J'ai filé le portable de Robert Hossein, il y a des plans. Alors, je vous le dis, Benaïm, il y a un problème. Ah bon, vous croyez ? Travailler en usine, c'est bon, ça. Je vous jure, j'ai jamais vu ça. Mais j'ai toujours mis super fort. Pas d'éthylotest. Alors, pas d'éthylotest électronique. Il faut vraiment qu'on envoie, je pense, un émissaire au ministère de l'Intérieur, éventuellement pour éventuellement avoir l'OPJ de nuit. Plus le temps passe, plus le taux descend. Redonnez-lui un petit verre. non, mais vraiment, là, je vous le dis, plus le temps passe, plus le taux descend. Donc, on va essayer, on va voir avec les équipes ici, mais on va essayer de trouver un éthylotest électronique avant la fin de cette émission. Ou alors, quelqu'un, un thermomètre électronique, peut-être ça marche pareil. Ah ouais. Faut pas souffler dedans. Hein. Vous savez pas, vous l'avez mis avant. Hein. C'est ça le problème. Voilà, donc, très mauvaise idée de Jérôme Commandeur. Mais j'y connais rien en médecine. Moi. Idée quand même, et c'est l'essentiel. Alors, j'ai vu, je vous ai un petit peu écouté. Ah oui? Ouais, sur le chemin, là, en revenant. Ouais, vous avez écouté l'alerte enlèvement de Jérôme Commandeur? Ouais, j'avais un petit peu de retour. Bah, c'est assez drôle, hein. C'est assez sympa. Non, je suis arrivé après l'alerte enlèvement. Ah. Ouais, ça a marché parce que vous êtes revenu, donc. Il a décrit votre personne, c'était tout, vous, hein. Je vais réécouter, c'est possible de réécouter. En bas présent. Non, mais je crois que la bande a pris l'eau parce que ça, il a plu sur Europe 1. Non, on va quand même réécouter. Vous étiez à quelle question, Valérie Benaïm? À la musique K-pop. Ah, vous n'avez fait que 2 questions. Ah bah oui, parce qu'on a également fait. Vous êtes de l'école à nous. Ah, je vois que c'est la même école. Ah, non, mais c'est bien. Jean-François Quéré est en train de s'endormir sur la tête de la mère. Pas du tout. Il pense à son lutteur. Non, mais je le vois. Ça va? Oui. Très bien. Ouais. Je suis dans une forme olympique. Ah bah j'espère que les gars ils sont pas dans le mode forme, les athlètes. Hein, il reste du vin ou encore ou allez, non, c'est y a bon. Plus rien. Merci, c'est bon. Allez, question. Écoutez bien cette musique qu'on a écoutée quand j'arrivais. Alors, de quel pays est originaire cette musique qui était à l'honneur hier lors d'un grand concert à Bercy? Sud-coréenne. Sud-coréenne, très bonne réponse. La présidente sud-coréenne, Park Geun-hye. Quoi? Comment? Hein? Pardon? Elle fait ce qu'elle veut, hein. Oh, est-ce que vous êtes lourd? Park Geun-hye. Park Geun-hye. Elle est en guenille? Mais non, oh, elle est en France. Et alors, elle peut être en France et en guenille, hein. Elle est en France pour 4 jours. Elle est accueillie à l'aéroport par Jean-Vincent Placé. Eh, ah oui, c'est normal. Bah, qu'est-ce qu'ils sont lourds. Non, mais c'est pas normal, mais c'est naze. Je vous jure que c'est vrai, elle a été accueillie à l'aéroport par Jean-Vincent Placé. Mais pourquoi? Quel est le rapport, lui? Il est coréen, Jean-Vincent. Il est possible, je dis bien, il est possible. Vu l'ordre protocolaire du gouvernement, quand les autres ne sont pas libres, on est là, et puis on arrive au premier qui est libre. Enfin, là, ils ont cherché loin, quand même. Ah, bah là, Jean-Vincent Placé, ils ont fait passer du monde avant. Ah, bah oui, parce que parce qu'il est toujours mal placé. Ouais. Oh non, putain. Ah, voilà, et c'est nous qui sommes lourds. Voilà. Vous savez ce que j'ai fait là, en partant? Vous êtes allé chercher un éthylotest? Oui, j'ai cherché. Ouais. J'ai fait comme Amir. Oh non, sens à mon existence, j'y ai laissé mon innocence, j'ai fini le cœur sans défense, j'ai cherché l'amour et la reconnaissance, j'ai payé le prix du silence, je me blesse et je recommence. Tu m'as comme donné l'envie d'être moi, donné un sens à mes pourquoi, tu as tué la peur qui dans mes en deux hémisphères, comme une erreur de l'univers, j'ai jeté tellement de bouteilles à la mer, j'ai bu tant de liqueurs amères que j'en ai les lèvres de pierre. Tu m'as comme donné l'envie d'être moi, donné un sens à mes pourquoi, tu as tué la peur qui dormait là, qui dormait là dans mes bras. C'est quand on n'y croit plus du tout qu'on trouve un paradis perdu en nous. Merci, merci, on vous a vu. Voilà, merci, merci Elodie Gossuin. Ça ne viendrait pas le carillon d'Europe 1 quoi, ah, ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Allez-y, essayez, lancez le JT après le flash. Il est 17h, les titres du journal. Ah ouais, tout de suite, Nicolas ça donne de la, du corps. Ça marche, ça, donne ça, marche, du corps, ça marche bien, hein. C'est pas mal, j'aime bien, j'aime bien. Allez. Merci, c'était les titres du journal. On se retrouvera pour une nouvelle édition à 19h, bien sûr, sur Europe 1. À tout à l'heure. Alors, il paraît que Jérôme Commandeur s'est permis de faire une alerte enlèvement. Oui, parce que nous étions inquiets. Me concernant. Bien sûr. Eh ben, écoutez, on va écouter cette alerte enlèvement. Il m'a dit qu'il m'avait décrit avec beaucoup de justesse. On peut écouter, c'est parti. Alerte enlèvement. Nous recherchons un homme de petite taille. Âge 42 ans. Âge mental 8 ans. C'est pas 42 ans. Signe particulier. Petit bouc sur tout le corps. Pigmentation pakistanaise. Si vous avez la moindre information, joignez Europe 1. Mais j'adore. Ah, mais c'est fini. Ah oui, c'est moi qui l'ai fait. Par contre, vous m'avez rajouté un an. Ah ouais. Enfin, vous êtes dans votre 42e année, quoi. Non, mais tu les fais pas, tu les fais pas. Non, je suis dans les 41e année. Arrêtez de dire des conneries, bordel de merde. C'est fou, vous êtes susceptible sur votre âge. Bah, oui, je suis susceptible. On dirait une fille. Vous verrez l'alerte enlèvement l'année prochaine. Hein. On vous retrouvera pas de l'année, là, Denis et Benaïm. Vous verrez. Patron. Oui. Vous êtes le 41e rugissant. Oh, putain. Quelle lourdeur. Mais sans déconner, mais comment on fait pour faire une émission sans déconner tous les jours? C'est pas possible. Bon, allez, on va revenir aux questions. Jérôme Commandeur, vous avez 2 points. Estelle Denis, vous avez 1 point. Je vous rappelle qu'on cherche toujours un éthylotest électronique, mais je vois personne bouger. Donc, je pense pas qu'on va l'avoir, hein. Allez, même s'il est rentré chez lui depuis quelques jours. Rafael Nadal. Fête ses 30 ans aujourd'hui. Ouais. S'il est courageux sur le cours, il est très peureux dans la vie. Citez-moi 2 de ses phobies. Quoi, cette voix? C'est un accent espagnol, c'est accent, ça ouais. C'est espagnol, je crois. Citez-moi 2 des phobies de Rafael Nadal. Il aime pas nager. Et il aime pas l'eau. Et il aime pas les chiens, je crois. Non, mais sans déconner, c'est vrai. Il aime pas l'eau? Je jure que c'est vrai. Il aime pas l'eau. Il a raison. Non, mais c'est pas une vague. Et c'est bizarre parce que c'est un. Il vient des îles Baléares. Ben oui, donc, c'est pour ça. Voilà, et ben, il aime pas l'eau. Il n'aime pas l'eau, il n'aime pas les chiens, il n'aime pas les orages, il n'aime pas les Valérie. Non, non, il n'aime pas l'eau. Ah, il n'aime pas l'eau. Moi non plus. Mais il est hyper baléaire, tu dis. Mais vous avez remarqué que Nadal, j'ai un problème avec lui. Pourquoi il se gratte toujours le cul? Il se gratte derrière, il se gratte devant, ouais. Je crois qu'il se... Il remonte son truc. Voilà. Il met ses bouteilles dans le même axe. Dans le même axe. Il touche les oreilles, je crois. Ouais. C'est une manière moderne de se signer, quoi. Vous avez des choses, vous, comme ça, vous, Jérôme Commandeur? Vous grattez plus du tout? Non. D'abord à droite, après à gauche. Il est en forme, Kéré. Hein. Si vous arrivez sur Europe 1 et que vous entendez quelqu'un faire des commentaires que vous ne comprenez pas, c'est Jean-François Kéré, il est bourré. Non, mais si vous entendez quelqu'un dans des conversions... C'est quelqu'un qui parle normalement et derrière... Jean-François, va chercher des curlis, ça va libérer le micro. Allez, à tout de suite sur Europe 1. Demain, de 15h à 16h, Raphaël Antoven nous fait réfléchir sur le monde qui nous entoure. C'est Qui Vive sur Europe 1. Le mot culture et tous ses sens, les contenus artistiques, le travail des champs, mais aussi la sculpture des muscles du corps. Est-ce que l'homme est un terreau dans lequel on peut planter toutes les graines qu'on veut? C'est la question que se posera notre philosophe Raphaël Antoven. Qui Vive, de 15h à 16h, tous les samedis sur Europe 1. Aile de poulet en quête d'exotisme cherche pruneaux moelleux pour atterrir en douceur dans le plat à tagine. Justement, chez Grand Frais, les pruneaux sont à seulement 2,49€ au lieu de 2,99€, soit 50 centimes de réduction. Le meilleur marché, c'est Grand Frais. Jusqu'au 4 juin, paquet de 1 kg, calibre 66-77, origine France. Pour votre santé, évitez de grignoter. Dis, est-ce que tu m'aimeras toute l'année? Bah, pourquoi tu me demandes ça? Parce que pour ces 20 ans, oui. Bouygues Télécom offre la 4G illimitée les week-ends toute l'année. Ah bah si c'est illimité, je t'aimerai toute l'année, oui. Surtout les week-ends. Ah là là, tous les mêmes. Quoi, tu veux... Chez Bouygues Télécom, pour nos 20 ans, encore plus de plaisir avec la technologie. Cette semaine, découvrez le nouveau forfait Sensation 5Go, le premier forfait avec 4G illimité tous les week-ends. Rendez-vous vite en boutique. Engagement 24 mois, bonus week-end illimité valable 24 mois, offre soumise à condition. Bonjour patron. Bonjour. Oh bah dites donc, vous avez pris un peu, non? Mais enfin Berthier, vous vous sentez bien? Ah oui, très très bien. On se sent très très bien quand on conduit Citroën C4 avec kit main libre Bluetooth et 7 ans d'assistance offerts. Dépêchez-vous, pendant les jours plus, Citroën C4 Vitamine est à partir de seulement 13 990€. Citroën. Offre sous condition de reprise d'un véhicule de plus de 8 ans, valable jusqu'au 30 juin dans la limite des stocks disponibles. Détails sur carstore.citroën.fr. Avec Thibaut sur sa planche de bodyboard. Thibaut qui porte un short de bain Andaya de tribord. Oui, et qui n'arrive pas à réaliser un 360, une figure difficile. Mais heureusement, il va pouvoir s'entraîner tout l'été avec son short 100% polyester, très résistant à l'eau de mer. Et pourquoi pas impressionner les filles? Oui, pourquoi pas, mais... Chez Decathlon, du 18 mai au 18 juin, préparez l'été avec le short de bain Andaya de tribord à 3,99€ seulement. Decathlon, à fond la forme, voir conditions en magasin et sur decathlon.fr. Lloris passe à Boateng. Boateng pour Messi. Oh là là, Messi accélère. Oh, il évite le tacle de Toulala en F5 pour Ronaldo. Oh, superbe retourné acrobatique de Ronaldo. Quel but. Super. L'intégralité de l'UEFA Euro 2016 avec beIN Sport et 100% de la Ligue 1 et de l'UEFA Champions League, les plus grandes compétitions enfin réunies dans une seule offre. En ce moment, retrouvez Canal Plus et beIN Sport à 30€ par mois dans les offres Canal pendant un an. Appelez vite le 3910. Service payant 25 centimes la minute plus prix appel. Offre soumise à condition pour tout nouvel abonnement simultané aux chaînes Canal Plus et à beIN Sport. Les bons plans Auchan, c'est maintenant. Stéphane, quand il ne fait pas de sport, il les regarde sur grand écran. J'aime me sentir avec eux sur le terrain, vivre à fond les émotions de l'instant. Eh bien, jusqu'à demain en magasin et sur Auchan.fr, le téléviseur connecté LG Full HD 140 cm est à 599€ au lieu de 749, soit une économie de 150€. Waouh, 599€, un téléviseur LG 140 cm. Je file chez Auchan. Auchan, la vie que j'aime. Dont 5€ d'éco-participation, classe énergétique A+. Europe 1, Roland-Garros 2016. Et la demi-finale, messieurs, qui est encore en cours en ce moment, Corinne Boulou, Wawrinka contre Murray. Oui, la dernière, puisqu'on connaît le premier finaliste, ce sera Novak Djokovic, le numéro 1 mondial, qui a éliminé tout à l'heure en 3 manches le jeune autrichien Dominic Thiem. Et donc, actuellement sur le court, eh bien, avantage à l'écossais, au numéro 2 mondial, Andy Murray, qui mène 2-7-1 Stan Wawrinka, le tenant du titre, qui s'est relancé en remportant la troisième manche, alors qu'il était vraiment sous la menace d'Andy Murray. Andy Murray a craqué sur son service, permettant à Stan Wawrinka, eh bien, de rester dans cette partie. Mais le Suisse s'est fait breaker aussitôt à l'entame du quatrième set, et c'est donc Andy Murray qui est au service pour tenter de confirmer cet avantage. L'Écossais qui mène donc 2-7-1 après 2 heures de match ici sur le court Châtrier. Merci Corinne Boulou, et on se retrouve tout à l'heure à 18h pour un nouveau point Roland-Garros. C'est un nouveau point sur cette rencontre. Wawrinka, Murray, retour des pieds dans le plat, et avec à sa tête Cyril Hanouna sur Europe 1. Europe 1, les pieds dans le plat, 16h-18h30, Cyril Hanouna. Merci d'être avec nous sur Europe 1. Nous sommes toujours à la recherche d'un éthylotest électronique pour Jean-François Quéré. Il y a Grand Corps Malade qui va venir nous voir tout à l'heure. Voilà, alors c'est important parce que là, il faut nous changer les idées. Il faut nous changer les idées, on n'est pas bien. Un peu de poésie. Bon, il n'y en a pas peut-être dans cette émission. Non. Assez peu. Parce quoi, attendez, voilà de la poésie. Oui, qui est capable de réciter un poème, tiens. Voilà. Oh, alors, bah, le renard et le corbeau. Ah ouais. C'est le corbeau, c'est le corbeau et le renard. Oui, enfin bref. Elle parle au verlan. Eh ben oui, mais bon. Allez-y. Maître Corbeau sur un arbre perché tenait en son bec un fromage. Maître Renard, par l'odeur alléchée, lui teinte à peu près ce langage. Maître Corbeau. Oh, bonjour, monsieur le Corbeau. Non, mais non. Que vous êtes joli, que vous semblez êtes beau. Non. Oh, Maître Corbeau. Que vous êtes joli, que vous me semblez beau, que votre ramage. Finissez, Jean-François, finissez. Si votre ramage, ça rapporte à votre plumage. Vous êtes Phénix des hôtes de ces bois. Ah, c'est bon. Le corbeau, ne se sentant plus de joie, ouvrit un large bec et laissa tomber sa froid. Sa froid. Peu importe. Moralité, tout flatteur vit aux dépens de celui qui écoute. Bravo, pas mal. Bravo. Bourré, bah, de la mémoire. Alors oui, vous. Moi, j'ai appris il y a très longtemps l'albatros. Ah, magnifique, Baudelaire. L'albatros. Mais facile celle-là. Albatros. Non, moi j'en ai une. Non, mais deux minutes. Alors, l'albatros de qui, déjà? De Baudelaire. Non, mais qui Baudelaire? Charles lequel? Baudelaire. Il y a Rachid Baudelaire aussi. Pas le multimarque rue d'Aboukir. Voilà. Alors, j'y vais, je me souviens pas. Souvent, pour s'amuser, les hommes d'équipage prennent des albatros, vastes oiseaux des mers, qui suivent indolents compagnons de voyage, le navire glissant sur les gouffres amers. C'est ma gueule. Ça va rien dire. Quel escroc. Le mec, il a son portable allumé avec la poésie. Non, mais attends. Ah, l'escroc, Je viens de le voir. Il a le portable allumé avec la poésie et la raison, Vélaïm. Non mais c'est l'horreur. C'est honteux. Non mais c'est honteux. C'est honteux. C'est honteux. C'est honteux. Devant la France entière. Non, c'était une antisèche. Mais c'est intelligent. C'était l'antisèche. Mais non, je l'ai pas regardé. C'était juste pour me souvenir. C'est un prompteur, c'est un prompteur. Voilà, en cas un prompteur, où. Voilà, c'est une aide. C'est un secours. Eh bah, bravo. Bah, bravo. Non, mais c'était bien tenté. Valérie Benaïm, un poème. Bon, en rouge et noir, jeune masse. Non, le début. Mignonne, allons voir si la rose qui ce matin avait éclose. Après, je me souviens plus. Moi, j'en ai une. Je préfère genre sa robe en de pourpre au soleil. Bravo. À un point perdu, ça te fait près. Quoi? Hein? Ah, c'est de la poésie, tu peux pas comprendre. Alors, est-ce que vous avez un poème, vous? Oui, moi j'ai un poème. Victor Hugo. Lequel? Ce siècle avait deux ans. Rome remplaçait Sparte. Déjà, Napoléon perçait sous Bonaparte. C'est qui remplaçait Sparte? Et du premier empire, déjà par mains endroits, le front de l'empereur brisait le masque étroit. Alors, dans Besançon, vieille ville espagnole, Besançon, bercée comme la graine au gré de l'air qui vole, naquit d'un sang breton et lorrain à la fois, un enfant sans couleur, sans regard et sans voix. Bravo. Si chétif qu'il fut ainsi qu'une chimère, abandonné de tous, excepté de sa mère. Et bravo. Et après, ouais, tu sais pouvoir. Numéro 1 en poésie. Jean-François Quéré. Je suis prom sans récite. Bien sûr, alcool et poésie. Vous le retrouverez, bien sûr, sur poème et bière. Bière et poème, hein, bien sûr. Voilà. Sur France 2 samedi soir. Café poésie. Ouais. Bravo, bah, bravo. Et il est très fort. Hein. Très fort. Ah, bravo. Bah, je suis très fier de vous, Jean-François Quéré. Dans un instant, on va recevoir Grand Corps Malade. Et puis, on a le qui est au top, hein, qui n'est pas fini du tout. Ah oui? Mais pour le moment, on va s'écouter. Grand Corps Malade, il n'est pas tout seul. Il est avec Eulogie. Ah oui, il est fameuse. Il va nous chanter Pocahontas. On embrasse. Je sais qu'elle nous écoute, celle-ci aussi. On a déjà eu les premiers mots, les premiers rires déclenchés, les premiers pas, les premières courses, les premiers genoux écorchés, les premières photos à quatre, les premières crises de cauchemar, les premières nuits pointillées, les premiers vis de couche-tard. On a encore les mémories et les parties de domino, les jouets qui font trop de musique et les matins trop matinaux, les journées taf raccourcies, l'ultimatum de 16h30 et les promenades au parc tous les jours où ça leur tente. On a eu les premiers hostos, les inquiétudes, les premières peurs, les premières grosses engueulades, les punitions à contre-cœur, les premiers cadeaux débiles avec leur nom sur leur tasse, les siestes d'un œil sur le canapé en regardant Pocahontas. Patience, les premiers devoirs à la maison, les premiers stress de contrôle, les boules au ventre à l'horizon, les premiers mots dans le carnet pour les tarés quand ils s'amusent, les premières mauvaises notes pour les carrés de l'hypoténuse. Hey, ah yeah, ah yeah, ah yeah, ah yeah. On doute un peu quand même, le cœur tape de 20 kilos, cahier à spirale et tout ce qui déborde de stylo. Et puis il y aura premier portable, les premières bonnes, premières soirées, les premières peines de cœur, premier encart un peu foiré. Ce sera un peu le moment de toutes les premières fois, les premières cuites, les premières nuits qu'on ne nous racontera pas. On les regardera agir avec un pincement au cœur, car de leur vie on deviendra de plus en plus spectateur. Il restera ça, je l'espère, ce sentiment essentiel, de les avoir bien préparés à cet immense bordel. Il nous restera ça, j'en suis sûr, cette indicible joie de les voir courageux, bien épanouis dans leur choix. Il nous restera une maison avec une ou deux chambres en trop, retrouvant le statut de jeune couple en perdant suite par en pro. Il nous restera à regarder devant en appréciant ce qu'il y a derrière, prendre plein de photos demain pour compléter celles d'hier. Et puis les chambres en trop seront à nouveau amochées par la nouvelle génération des premiers jouets écorchés. Le cycle jouera son rôle implacable et fatidique, et on retrouvera des jouets modernes qui font toujours trop de musique. Au milieu des nouveaux cris, on se dira qu'on a réussi à fabriquer ce manteau qui nous protège la vie. Ce confort impalpable, ce tremplin, cette béquille, ce miracle anodin, on a fait une famille. Malade et les LEG, Pocahontas, il sera avec nous dans un instant, Fabien, Grand Corps Malade, on l'aime fort, on est exceptionnel. Voilà. J'adore quand on tu viens. Un peu de niveau. Ah quoi, y a du niveau là, y a Belaïm, ouais, oh ouais. Niveau à bulle. Dans un instant, j'espère qu'on aura un éthylotest. On est en train de faire vraiment le nécessaire hein, pour avoir un éthylotest électronique. C'est pas évident à trouver. Hein. Ouais. Même les policiers n'en ont pas, donc ne conduisez pas bourré, mais sachez qu'ils n'en ont pas. Bah, à force de pas boire, les gens n'ont plus besoin, puisque on est tous avec modération. Non, mais de toute façon, il ne faut pas conduire. Voilà, faites la fête et ne conduisez pas. Voilà. Voilà. Désignez un capitaine de soirée. Voilà. Le taxi. Sam. On a un taxi, ou un Uber. Uber, ils ont toujours des bouteilles dans leur voiture. Oh des bouteilles d'eau. J'en ai marre. Allez, aujourd'hui, le plus grand séducteur de France va mettre les petits plats dans les grands pour l'anniversaire. Pour l'anniversaire de Julie Gaillet, puisque c'est l'anniversaire de sa meuf. Ah, oui. François Hollande va mettre les petits plats dans les grands. Mais quel âge a-t-elle, Julie Gaillet? 44 ans. Bravo, Estelle Denis. À 44 ans. Elle a 44 elle est belle, ans. Hein. C'est votre style de fille, Julie Gaillet? Non. Non? Très belle femme. Non. Ah, oui. Ah, mais voilà, j'ai. On n'a jamais su quel était votre style de fille. Ah, oui, genre, c'est celle qui vole, moi. Voilà, c'est pas compliqué. Non, mais en vrai. Voilà. Est-ce que Valérie Benaïm, ça peut être votre style? Oui, parce que j'aime bien les brunes, moi. Vous vous êtes fait piquer par un serpent. Oh non, mais ça y est. Bah si. Non, mais je vois la scène déjà. Laissez-le finir, monsieur. Je vous suis. Voilà. Vous êtes fait piquer par un serpent au niveau des parties génitales. Oui, au niveau du serpent également. Il faut enlever le venin. Le venin au plus vite. Vous n'avez que 5 minutes pour enlever le venin. Il se trouve qu'à côté de vous, il y a Valérie Benaïm et Estelle Denis. Ouais. Il y en a une qui doit enlever le venin. Ouais. Laquelle choisissez-vous? Sachant qu'on est dans la maison de Magloire. Et qu'il y a Dave à moins d'un kilomètre. Non, il y a Estelle Denis et Valérie Benaïm. Vous êtes obligés, parce que sinon vous mourrez. Quand on me dit ça, j'ai qu'une envie, c'est de me faire piquer par un serpent. Et vous prendriez qui après? Ah bah vous. Bah oui, je suis sa sœur. Non, elle non. Mais non, mais je suis sa sœur. T'es fou. Ah, t'es sa sœur. Bon, bah je prends Estelle Denis parce que je touche pas à la sœur d'être des copains. Voilà. Quoi, vous aussi? Bah voilà. Elle peut pas faire ça à tout le monde. Moi aussi, je suis piqué. Moi, personne ne me demande mon choix. Quoi? Bah vous. Bah non, mais attendez. Si j'ai quelqu'un à sauver? Ouais. Ah non, mais vous êtes obligé. Ah bah entre vous et Jean-François. Et moi, je sens le Bordeaux Chanel. Ah oui. Mais t'as pas été piqué, toi. Mais moi, je veux bien me faire piquer aussi. Ah oui. Ah mais ce serpent, là, viens me piquer. Tu viens me piquer, là, voilà. Tu avances. Bah oui, voilà. Je suis piqué. C'est sûr, mais si, je suis piqué. J'ai l'immunité. Alors, il y a Jérôme Commandeur aussi. Ah, oui. Et Benaïm, il y a la même question pour vous. Quoi? Non, elle vient de se faire piquer. Benaïm aussi. Ah bah moi. Non, alors moi, j'envoie Kéré. Hein. Quoi? Bah lui, en plus, avec ce qu'il a dans la lui. Ah oui. Ça désinfecte automatiquement. Il n'y a pas de problème. Pas besoin d'être en contact, lui, il souffle seulement et fait. C'est bon, là, on n'a plus aucune maladie. Hein. Avec modération, bien entendu. Avec modération. Alors, vous, Estelle Denis. Si j'en ai un à sauver parmi vous trois. Ah, mais vous êtes obligé. Il a le zizi en feu. Ah, mais moi, c'est avec plaisir, hein. Il a le ZDF. Ah, bah, moi aussi, alors. Il a ce qu'on appelle le ZEF. Le zizi en feu. Oui, il a le ZEF, le gars. Elle lui a mis un ZEF. Alors. Donc, l'un de vous trois. Oui, vous êtes obligé. De toute façon, je vous aurais choisi, Cyril. Ah, merci, Estelle. Mais en plus, je sais que si vous mourrez après professionnellement, enfin, je suis quand même dans la merde et tout. T'as raison, t'es pragmatique. Ça te fait de la peine, sans doute. J'ai dit d'abord que je vous aimais beaucoup. Mais je vous aurais choisi quand même. Et vous, Valérie Benaïm? Vous êtes dedans, non? Oui, bah oui. Non, je l'ai enlevé, je l'ai pris. Ah oui, il me reste les deux. Ah oui, moi je suis sauvé. Bon, ça y est, ça y est, moi je suis bien. Donc il reste les deux. Je me suis fait repiquer. Quand même bizarre, ce serpent. Faites prudence. Il vient d'où, ce serpent? Il a très faim. Il est insupportable. Il est pas vegan, tu vois. Arrêtes. Looping, tu arrêtes. Je te donne un petit nom. Il est pas vegan. Ah non, c'est pas Jeanne Masse. Estelle, non, mais ce serait magnifique. Estelle, je me suis encore fait piquer. Tu peux descendre. Merci, mon cher. On peut plus. Encore? Ah oui, bah, il est encore dans les parages, hein. Faut vraiment faire quelque chose. Alors, vous, Valérie Benaïm, vous devez sauver Jérôme Commandeur ou Jean-François Kéré. Oh là là. Cache ta joue. Bah, écoutez, là. Bon allez, je fais un effort, je me mets en demi-molle. Allez, vas-y. Non, on peut pas faire ça.

On est bien ici. On est bien parce que vous êtes sauvés. Bah moi je suis sauvé. Bah moi je suis tranquille. Moi le serpent il peut revenir. Hein, ça y est. Bah rien va revenir. Ah bah écoute, bah, viens quand tu veux. Moi je sais que j'ai quelqu'un. Voilà, j'ai l'antidote à portée de main. Donc voilà. Par contre vous. Je suis en train de mourir. Jean-François Quéré et Jérôme Commandeur. Je rappelle un petit peu pour ceux qui nous rejoignent ce qui se passe. C'est que Jean-François Quéré et Jérôme Commandeur se sont fait mordre par un serpent au niveau des parties génitales et il faut vite donc enlever le venin. Procéder, voilà, donc il y a une extraction du venin et j'avais été mordu, mais Estelle Denis s'occupait de moi, donc merci Estelle. C'est tout à rien. Donné. De rien, c'était un plaisir. Enfin, je vous ai sauvé. J'étais très contente de ce geste de bravoure. Si vous arrive quelque chose, je serai toujours là. C'est gentil. Sachez-le. Ah oui, non, mais vraiment. C'est gentil. Dépêchez-vous parce que ça enfle. Hein. Alors, Valérie Benahim, il ne reste plus que Jérôme Commandeur et Jean-François Quéré à sauver. Valérie, vous devez en sauver un. Vous êtes obligée. Ah ouais. Sinon, l'autre, bien sûr, passera là à gauche. Décéder. Puisque vous savez ce qui va se passer. Son zizi va gonfler, gonfler, gonfler, gonfler. Jusqu'à, voilà, étranglement. Voilà, de la personne et étouffement. Hein, voilà. Donc, donc la personne mourra par étranglement verjal. Écoutez, je sais pas parce que il y en a un que je connais depuis très longtemps quand même, c'est Jérôme Commandeur. Donc au nom de notre vieille amitié, mais en même temps, Jean-François, j'ai pas envie de le laisser comme ça. Il est... Non, mais en plus, je vous dis un truc, c'est que si vous sauvez Jean-François Quéré, juste le petit problème, c'est quand le sauvant, vous serez bourré. Vous aussi. Et comme j'ai jamais bu, peut-être que ça sera une expérience unique. Bah, tu viens boire à la gourde et puis voilà, y a pas de problème. Non. C'est pas possible. Valérie Benahim. Pour cette dernière phrase, je vais prendre Jérôme Commandeur. Ah, merci, parce que ça grossissait tellement, j'arrivais plus à m'asseoir. Il l'avait au front. Hein. Bon, bah Benahim, sauvez Commandeur. Mais c'était virtuel, c'est notre avatar. C'est hypothétique. Voilà. Oh, c'est hypothétique, ça peut arriver, il y en a de plus en plus à Europe 1 des serpents. Je vous le dis, Estelle Denis, je vous le dis, vous n'êtes pas à l'abri que je vous appelle à n'importe quel moment. Jean-François Quéré, merci d'avoir été avec nous, vous nous quittez. Alors je reste avec mon rôti ficelle pour ces personnes. Voilà, tant pis. Merci, au revoir. Ah, on a un problème avec la personne. Il en reste pas une. On a quand même un problème avec cette personne. Vous êtes en spectacle au funérarium de Villetaneuse. C'est sûr, merci Jean-François, merci. Merci pour tout, merci à vous. On va continuer merci les Jean-François. Questions avant d'accueillir Grand Corps Malade. Juste après 18h, il sera avec nous pendant toute la dernière demi-heure. Non, on n'a pas fini. Oh là, malheureux. On est à combien là, s'il vous plaît? Il y a 2 points pour Commandeur, 2 points pour Estelle Denis et Jean-François Quéré. Un point, on a posé 5 questions quand même en 2 heures. C'est pas mal. C'est un bon score. Vous imaginez si dans Question pour un champion, c'est pareil? Non, mais quand les émissions, elles duraient 6 heures. Eux, ils posent 45 questions par émission. Ah oui, Claudine. On imagine que Jacques se fait mordre par un serpent. On imagine. Alors, est-ce que vous enlevez votre dentier avant de le sauver? On imagine. Claudine, Jacques se fait mordre. On imagine. Oui. Est-ce que vous sauvez Jacques en allant à la cave? C'est une question. Je n'ai pas de cave. Merci. Elle dit oui, elle reste. Allez, on va poser la dernière question. Ce sera la dernière question aujourd'hui. Hein. C'est une question de rapidité. Ah ok, d'accord. D'accord. Tout le monde joue. Tout le monde joue. Mmh. Et cette question vaut 2 points. Ah oula. Mercredi, c'était la dernière émission de 30 millions d'amis sur France 3. Dernière, samedi à 15h30, retrouvez Soupe et Soups. Le lapin crétin. Le bichon maltais de Cyril Hanouna. Âgé de 15 ans, borgne, légèrement boiteux, Soupe et Soups est de tous les combats de son maître. Sur le plateau de Touche pas à mon poste, ou de C'est pour moi, c'est cadeau, ou de Des pieds dans le plat. Soupe à Choups aime laper tous les chroniqueurs quand il les voit arriver. Et Cyril s'en délecte avec l'amour et la gourmandise pour le monde animal qu'on lui connaît. Retrouvez Soupe à Choups et son maître samedi dans 30 millions d'amis. C'est bon, c'est dans la boîte. Vous imaginez les mecs qui ont fait le générique de 30 millions d'amis.

Carrefour, à vos côtés avec les Bleus. Dites, tout le monde a son maillot pour soutenir les Bleus? Les matchs commencent bientôt, non? Tout à fait. D'ailleurs, on est passé chez Carrefour avec Tristan. Le maillot de supporter de la Fédération Française de Football est à seulement 9,90€. Il me va bien, non? Oui, oui, il est pas un peu serré? Mais non, j'ai trop de muscles, c'est tout. Papa, en fait, je crois que t'as pris le mien. Jusqu'au 6 juin, dans vos hypermarchés Carrefour, le maillot de supporter de la Fédération Française de Football est à 9,90€. Blanc bleu 100% polyester existe de la taille S à XL pour adultes. Carrefour. Il y a des prix qui vous font dire moi je veux que la peinture, hein, pas le peintre. Et il y a les prix Leroy Merlin. Jusqu'au 15 juin, pendant l'opération Les Promos Peinture, 29,95€ seulement le pot de 2,5 litres de peinture murale Rénov Express Ripolin avec sous-couche intégrée. Reprise des marchandises incluse, l'expertise des conseillers incluse. Chez Leroy Merlin, les prix vous font dire là, je suis sûr de faire le bon achat. Leroy Merlin, et vos envies prennent vie. Soit 11,98€ le litre. Europe 1, 16h, 18h30. Les pieds dans le plat. Vous restez avec Monsieur Europe 1 et ils reviennent. Cyril Hanouna, sa joyeuse bande de chroniqueurs, c'est-à-dire Valérie Benaim, Estelle Denis, Jérôme Commandeur et Jean-François Quéré. Et bien sûr, leur invité, c'est Grand Corps Malade qui met ce vendredi les pieds dans le plat. Grand Corps Malade qui vient parler de la réédition de son album Il nous restera ça. Réédition prévue dans les bacs le 17 juin prochain. Bien sûr, on en parlera dans la prochaine demi-heure. Les pieds dans le plat, ce sera juste après les informations avec Nicolas Poincaré sur Europe 1. À tout de suite. Darty vous présente En route vers l'euro. En route vers l'euro. Plus populaire des sports, le football. Laurent Deutsch. Ouh, quel but ! En 1996, pour sa 10e édition, l'euro s'arrête en Angleterre. Et une règle inédite y fait son apparition. Le but en or. C'est simple. Pendant les prolongations, la première équipe qui marque remporte le match. La reine d'Angleterre, qui a remis la coupe au vainqueur hier soir, a gagné une bonne demi-heure de sommeil grâce à l'instauration du Golden Goal. Au bout d'une compétition très disputée, l'Allemagne et la République tchèque parviennent à rallier la finale. Et ce sont les Tchèques qui ouvrent le score. Mais à la 68e minute, Bertie Vogts, le sélectionneur de la Mannschaft, décide de faire entrer un joueur qui cirait le banc depuis le début de la compétition, Oliver Bierhoff. Bierhoff est quasi inconnu du grand public, et pour cause. Il est parti très tôt en Italie chercher la reconnaissance que l'Allemagne lui refusait. Le coup de poker de Bertie Vogts est gagnant. Le centre, le but qui est marqué par Bierhoff, entré quelques minutes auparavant. Mais surtout, au tout début des prolongations, Bierhoff inscrit le premier but en or de l'histoire de l'Euro. Les Allemands et les Tchèques ont marqué comme un temps d'arrêt. Alors c'est fini? C'est pas fini? Oui, c'est fini. Il offre ainsi à l'Allemagne son troisième titre continental et son statut en sélection nationale ne sera plus jamais le même. Mort subite ou mort lente, les Allemands, eux, ne connaissent qu'une seule règle depuis 40 ans, la victoire fréquente. Avant de disparaître en 2004, la règle du but en or sera encore effective pour l'Euro 2000 et David Trezeguet saura en faire profiter la France. Mais ça, on en reparlera la prochaine fois. C'était En route vers l'euro avec Darty. Pour vivre à fond les émotions de l'Euro 2016, retrouvez dès maintenant le meilleur choix de téléviseurs chez Darty et sur Darty.com. Du 10 juin au 10 juillet, vivez l'Euro 2016 sur Europe 1. Europe 1, 16h, 18h30, les pieds dans le plat. On va se retrouver dans quelques minutes sur Europe 1. J'espère qu'on aura un éthylotest, on me dit. Donc on va pouvoir tester avec un autre éthylotest, hein, Jean-François Quéré, bourré ou pas bourré. Et il y a Grand Corps Malade qui arrive tout de suite. Il est 18h, vous êtes sur Europe 1, les titres d'Europe Soir. Avec vous Nicolas Poincaré, bonsoir Nicolas. Bonsoir Cyril, au sommaire d'Europe Soir, Paris à son tour touché par la montée des eaux. Le seuil des 6 mètres a été franchi, le pic pourrait atteindre 6,50 mètres dans la soirée. C'est-à-dire qu'on est très près du niveau où sont déclenchés les plans d'alerte. Par exemple pour le métro, nous serons en ligne à 18h30 avec un porte-parole de la RATP qui vient de lancer le plan de prévention et qui nous dira si oui ou non le métro parisien risque d'être inondé. D'ores et déjà, les stations Saint-Michel et Cluny-la-Sorbonne sont fermées, la ligne C du RER ferme complètement ce soir à 20h. Tous les grands musées des bords de Seine ont également fermé leurs portes. Le Louvre, le musée d'Orsay, le Grand Palais. Au Louvre, des centaines de bénévoles ont aidé à sortir les œuvres des caves. Reportage à 18h30. Cette montée de la Seine aujourd'hui est intervenue plus vite et plus fort que ce qui était attendu. On essaiera de comprendre pourquoi un hydrologue de Vigicru sera l'un des invités du journal. En attendant, dites-nous tout de suite, Valérie Darmon, comment les choses vont évoluer dans les heures qui viennent? Eh bien, c'est cette crue de la Seine sous-estimée continue de se propager vers l'aval, notamment en direction des Yvelines et de la Normandie. 13 départements sont toujours en alerte orange crue, hein, tout le bassin parisien et le bassin du Cher, une vigilance inchangée. Pour les prochaines 24 heures, le niveau des crues va continuer de monter en aval, donc de la Seine, stagner ou régresser lentement sur les autres départements concernés par les vigilances. C'est le cas d'ailleurs sur l'est du bassin parisien. Du côté du ciel, aujourd'hui, il n'a pas plu, mais demain, le ciel couvert précipite quelques averses de nouveau en seconde partie de journée à hauteur de 5 à 10 mm de cumul. Merci Valérie. Et puis le point complet donc sur les inondations en région parisienne, mais aussi en Seine-et-Marne et dans le Loiret à 18h30 avec tous les envoyés spéciaux d'Europe 1. Dans le reste de l'actualité, le PDG de la SNCF, Guillaume Pepy, demande ce soir la suspension de la grève par solidarité avec les Français touchés par les intempéries. Mais la CGT et Sudrail viennent de revoter la grève. Explication d'Olivier Samin. Et puis de nouveaux naufrages de très grande ampleur en Méditerranée. Un navire avec 700 migrants à bord a disparu au large de la Crète. Une opération de sauvetage de grande ampleur est en cours sur les côtes libyennes. Les corps de 104 migrants ont été retrouvés hier. Le tennis à Roland-Garros, Corinne Boulou, on connaît depuis quelques minutes tous les qualifiés pour les finales hommes et femmes. Oui, à l'instant, la qualification d'Andy Murray qui a battu le tenant du titre, Stan Wawrinka, qui ne pourra défendre donc ce trophée qu'il avait acquis de haute main l'année dernière face à Novak Djokovic. Le Serbe, lui, sera bien à nouveau au rendez-vous de la finale de Roland-Garros pour remporter ce titre qui lui échappe après 4, ça sera sa 4e finale à Roland-Garros, sa 20e en Grand Chelem, lui qui compte 11 titres en Grand Chelem et toujours pas ici à Roland-Garros. Andy Murray, eh bien, après 4 tentatives, se hisse pour la première fois en finale à Roland-Garros. Lui, il compte 2 titres en finale de Grand Chelem. Côté féminin, eh bien, nous aurons une finale inédite ici à Roland-Garros entre la jeune Espagnole numéro 4 mondiale Muguruza face à la numéro 1 mondiale étonnante du titre, l'américaine Serena Williams, et ce sera demain. Merci beaucoup Corinne Boulou, on vous retrouve plus longuement dans le journal à 18h30. La Bourse de Paris a terminé en baisse aujourd'hui quasiment de 1 point. Europe Soir dans moins d'une demi-heure tout de suite, Cyril Hanouna. Europe 1, 16h-18h30, les pieds dans le plat, Cyril Hanouna. Il est 18h passé, nous sommes sur Europe 1 encore pendant une demi-heure avant la fin de cette semaine. Et sachez que la semaine prochaine, il restera plus que 4 émissions avant la fin des pieds dans le plat. Oui, 4 émissions lundi, mardi, mercredi, jeudi. On sera pas là vendredi. On sera pas là. Et vous ferez un pot de départ ou... Jean-François Quéré est là, merci. Il est là, mais en état d'ébriété. Oui, il est là, quoi. Estelle Denis, merci. Bonsoir. Ça va, Estelle? Et vous, ça va mieux? Ah bah Estelle m'a sauvé tout à l'heure, ça m'a fait quelque chose. Oui, ça vous a... Ah ouais, je me suis mis dans la peau du personnage. Enfin de... Oui, enfin, oui. Bordu. Valérie Benaïm est là. Bonsoir. Jérôme Commandeur. Bonjour. C'est pas la première fois qu'il vient nous voir, c'est grand corps malade. J'aime bien ça. Ça c'est avec John Maman, on adore aussi. Hein. Ah, j'adore John Maman. Mon voisin dans l'ascenseur. J'aimerais bien l'inviter demain. Comment ça va mon Fabien? Ça va très bien, merci. Ah, j'adore, regardez, il a une voix sensuelle. L'autre il pose. Il a une voix. Oh ouais. Fermez les yeux les filles. Grand Corps Malade va vous parler. Bonsoir. Oh là là. Ça va? Oh, oui, ça va. J'ai entendu parler d'un serpent. On se met tout de suite dans l'ambiance. Non, alors moi ce que j'aimerais, c'est que Valérie Benaïm et Estelle Denis, vous appelez Grand Corps Malade, mm-hmm, et vous ne le connaissez pas. D'accord. Vous êtes trompé de numéro. Ah oui. Et vous tombez sur lui. Et vous tombez sur cette voix. D'accord. Qu'est-ce qui se passe après? What's happened to you? C'est parti. Allô? Allô? Oui, Robert? Non. Ah, dites-moi, juste 2 minutes, c'est la seule meuf qui appelle, des Robert, quand même. Ça veut dire, nous, on appelle, non, mais ça, vous avez déjà vu des gens de notre âge appeler. Allô, ouais, Robert, dis-moi, elle est là, Josiane. Attends, tu cherchais un nom un peu, t'avais rien à voir. Moi, je veux bien jouer le jeu, mais normalement, à Robert, je raccroche. Là, je veux bien essayer de... On va faire la même avec Estelle Denis. Et ne dites pas allô Raymond. Ah oui, non, là, je vais trouver un truc jeune. Allez, on y va. Ah, voilà, des gros doigts. Un téléphone à grosse touche. Allô? Allô, Kevin? Ah non, elle a voulu faire jeune, elle a fait allô Kevin, mais la tristesse, sans déconner. On repasse à Benaïm, c'est une catastrophe. Allez. Bah, donc. Bah oui. Soyez chaude Benaïm. Ouais. Pensez à une cafetane. Allô. Allô Raymond. Bah, je vais reprendre. Reprenez. Oh, excusez-nous. Je vais changer de numéro. Hein, là, ça... Je l'adore. On reprend avec Estelle Denis. Alors. J'attends de voir le prénom. Ouais. Allô. Allô Jean-Michel. Ouais, non, tu peux intervenir. Jean-Michel, ça marche pas non plus. Ça, d'accord. Non, mais sorry, Jean-Michel. Allô Corinne. T'es bourré. T'es beurré. Alors, je pense qu'on va le faire avec Jean-François. Ah ouais. Jean-François, vous appelez et vous êtes voilà. Troublé, c'est ça. Allez, c'est parce parti. Que c'est il a un petit peu la même voix que moi, mais alors moi quand je fais ça, on dit que je suis bourré. Ah, c'est pas possible. Allez, on y va. Non, c'est... Allô, Patrick. Ah non, c'est pas Patrick. Ah, j'ai dû faire un faux numéro. C'est Jean-François. Ouais. Jean-François Quéret. Oui. Bonjour, c'est Fabien. Ah Fabien, comment ça va? Je suis très fan. Bah, moi aussi, tu sais, j'aime beaucoup ton travail. Tu vois quelque chose? Vous appelez par téléphone, ouais, on est à la radio. Il a posé la mauvaise question. Il lui a dit tu bois quelque chose quand même. Fabien, j'avais pas entendu. Bravo, Jean-François Quéret. Bravo. Oui. Ça passe. Ça passe. Ouais, il y avait un petit côté répondeur gay quand même. Ouais. Si tu cherches quelque chose dans ta région. On va parler d'Il nous restera ça. L'album sorti en octobre ressort le 17 juin avec trois nouveaux duos pour Grand Corps Malade avec Véronique Sanson, avec Ben Mazué et Elodie. On vient de l'écouter, hein, le duo avec Elodie. On retrouve bien sûr les autres chansons de Renaud, Richard Bohringer, Charles Aznavour, Hubert Félix Thiéphen, Jeanne Chiral. Et vous serez en concert au Trianon le 17 juin. On en parle dans un avec instant. Avec tous ces gens-là. Avec tout le monde. Tout le monde sera là. À tout de suite. Demain de 11h à 12h30, Nico Saliagas reçoit les stars qui font l'actualité. C'est Sortez du cadre sur Europe 1. Après 15 ans d'absence, la comédie musicale culte Notre-Dame de Paris sera de retour sur scène à partir du mois de novembre. Luc Plamondon et Richard Cochent seront les invités de Nico Saliagas. Et le groupe belge Hoover Phoenix sera en live Sortez du cadre le samedi de 11h à 12h30 sur Europe 1. Air France. La France is in the air. Je suis un poème d'Hugo, tu es une chanson de crooner. Je suis le raisin, tu es la pomme. Je suis une blanquette de veau, tu es un hot dog. Air France. La France is in the air. Avec Air France, découvrez New York au départ de Paris à partir de 528€ aller-retour, tout compris jusqu'au 8 juin. Tarif, offre et de service pour des départs du 1er novembre au 11 décembre 2016. Ah ben ça alors, je ressens plus rien. Et là? Rien non plus. Et si vous passez la main, là? Ben non, rien. Insistez, prenez le temps. Non, rien. Bien, très bien. C'est parce qu'elle est bien posée. Il ne suffit pas de choisir une belle fenêtre, il faut qu'elle soit bien posée, sinon... Ben sinon, ça sert à rien. Eh oui. Voilà pourquoi toutes les fenêtres cas par cas sont installées, contrôlées et garanties par cas par cas. Parce qu'on ne change pas de fenêtre tous les jours. Fenêtres, volets, portes, cas par cas. Nous faisons grand cas de votre confiance. C'est le printemps bio. Découvrez l'agriculture biologique et la diversité de ses produits. Dégustations, fermes et entreprises ouvertes, marchés, conférences. Pour trouver les animations près de chez vous, rendez-vous sur labiodesquatresaisons.eu ou sur l'appli La Bio en Poche. Manger bio, produire bio, c'est bon pour moi et pour la planète. Message cofinancé par l'Union Européenne et l'Agence Bio. Bonjour patron. Bonjour. Dites donc, c'est à cette heure-ci qu'on arrive? Mais enfin Berthier, mais de quoi je me mêle? Vous inquiétez pas, ça restera entre nous. On est à l'aise en toutes circonstances quand on profite de Citroën C3 avec climatisation et 7 ans d'assistance offerts. Dépêchez-vous, pendant les jours plus, Citroën C3 Vitamine est à partir de seulement 9 990€. Citroën. Offre sous condition de reprise d'un véhicule de plus de 8 ans, valable jusqu'au 30 juin dans la limite des stocks disponibles. Détails sur carstore.citroën.fr. Europe 1, 16h, 18h30. Les pieds dans le plat. On va se retrouver dans un instant sur Europe 1 avec Grand Corps Malade qui est avec nous. On l'aime beaucoup. Il va parler de ce concert. Alors c'est fou, hein, parce qu'il va nous dire c'est pas un concert, sans rigoler. C'est la réunion des artistes de France. C'est vivement dimanche. Hein, c'est Michel Drucker. Ce sera vivement dimanche également de Grand Corps Malade. À tout de suite. Cher et bel et bien chez Intermarché. Eh oui, venez jouer en faisant vos courses. Il y a des millions de cadeaux à gagner. Et pour un produit acheté, le deuxième est gratuit. Eh oui, le deuxième est gratuit. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Règlement du jeu, modalité, magasin participant sur intermarché.com du 31 mai au 5 juin. Il y a des prix qui vous font dire « Bon, eh ben on rangera les brosses à dents sur la table de nuit. » Et il y a les prix Le Roi Merlin. Toute l'année, 99 euros seulement, le meuble de salle de bain complet d'ado avec son plan vasque en céramique et son miroir avec éclairage. Tiroir à fermeture progressive inclus, garantie 2 ans incluse. Chez Le Roi Merlin, les prix vous font dire « Là, je suis sûr de faire le bon achat. » Le Roi Merlin, et vos envies prennent vie. Tu me trouves changé, hein? Je ne suis plus seul. Tu t'es marié? Mais non, je suis connecté à la Matmut et ses applis. Avec ton mobile, ça c'est fort. Et tu peux faire quoi avec? Des devis, c'est possible pour les hyperconnectés Matmut. Pour les autres assurés Matmut aussi. Ça c'est sûr, la Matmut elle assure. Europe 1, les pieds dans le plat. 16h, 18h30, Cyril Hanouna. Je veux remercier Grand Corps Malade d'être avec nous sur Europe. Grand Corps Malade, alors on peut dire qu'aujourd'hui, on reçoit un sage. Alors c'est pas moi qui le dis, c'est un classement sorti il y a quelques mois. Vous êtes juste derrière le Dalai Lama, le pape François ou encore Aung San Suu Kyi, qui a ouvert un petit restaurant à côté. Vous êtes un vrai sage Grand Corps Malade. Oui, il y a eu un sondage qui est tombé. Selon vous, qui sont les sages modernes? Et vous êtes là, quand vous êtes dans le classement, vous êtes sixième. C'est étonnant. Vous avez mis Ama, magnifique, ma mère va enfin me croire quand je lui dis que je suis sage. Oui, j'avais, parce que j'avais vu ce sondage qui m'a quand même, je sais pas qui ils ont interrogé, mais ça m'a un peu surpris. Mais j'étais très fier, très content d'être derrière le Dalai Lama, tout ça. Donc voilà, je l'ai envoyé à ma mère en disant, tu vois, tu m'as pas cru au collège, mais au lycée. Moi, je suis assez d'accord avec ce sondage, parce qu'on se croise beaucoup, je l'aime beaucoup, et c'est un garçon à qui on a envie de faire confiance. Oui, et puis il y a toujours des paroles d'apaisement. Non, mais c'est-à-dire, si vous devez confier une mallette avec 5000 euros de liquide, vous la confiez plus à petit A Fabien, donc encore malade, ou B Jean-François Kéré. Ouais. Ah non, mais attends, l'autre il va la boire. Et C pour rebrousser ce chemin. C'est bon. Si tu la confies, tu récupères un cubi. Voilà, c'est ça. Alors venez nous voir pour la réédition de votre album. Et aussi j'aimerais qu'on parle tout de suite du Trianon le 17 juin, parce que c'est fou ce que vous nous dites là. Quoi, il y aura tout le monde, il y aura Charles Aznavour. Alors a priori c'est le seul qui manque. Et encore. Non mais voilà, Richard Bourringer. Ouais, les autres sont là. Renaud. Ouais, c'est pas officiel, mais ça y est, ça a fuité maintenant. Voilà, génial. On peut plus le cacher. Il y aura Ben Mazoué. Oui. Il y aura les L.E.G. Oui. Il y aura Hubert et Félix Stephen. Oui, il sera là aussi. Non, c'est un seul Hubert mec. Et Félix. Ouais, c'est un seul mec. Ils viennent tous les trois. Il y aura Hubert et Félix et Stephen. Il y aura les trois, ouais. Frédéric, François, enfin, il y aura un peu du monde. Franck, Miguel, entre tous. Il y aura du beau monde. Il y aura Jeanne Chiral. Oui. Et Charles Aznavour, on sait pas encore. Non, voilà. Non, mais vraiment, ils m'ont fait l'amitié de venir sur ce disque un peu fou. Et du coup, on a réussi à trouver une date qui correspond à peu près à tous les emplois du temps. Donc, c'est vrai que ça va être un truc de fou et ça fait plaisir. Mais là, ça va être énorme. Hein. Ça sera donc au Trianon, le 17 juin, mais aussi à Bourg-en-Bresse le 25 juin, à Saint-Paul-Trois-Châteaux le 9 juillet. Attention, on n'aura pas tous les mêmes invités. Non, mais soyons clairs. En parallèle, je continue la tournée de le Funambule Tour. Mais c'est vous qu'on a envie de voir. Oh, merci, Cyril. Merci beaucoup. Sinon j'aurais invité tout le monde. Moi, ils voulaient tous venir aujourd'hui. J'aurais dit non, je suis encore malade. Les gars, il y a 5 micros. Et en plus, il y en a un qui a été endommagé par une personne en état d'ébriété. Donc c'est bon, quoi. Vous serez donc à Saint-Paul-Trois-Châteaux le 9 juillet, à Saint-Malo-du-Bois le 11 juillet, à Vence le 14 juillet. Je connais un petit peu toutes vos dates, hein. Je vous le dis. Et c'est vous, on en a beaucoup parlé, c'est vous qui avez convaincu Renaud de se remettre à la chanson. Oui, c'est vrai que ça a été assez incroyable. Moi, je suis fan hein, depuis vraiment tout petit. C'est vraiment mon idole. J'ai vu 15 fois en concert, etc. Et voilà, je lui ai proposé de participer à cet album d'auteur. Il m'a dit pourquoi pas, mais ça faisait 7-8 ans qu'il avait rien écrit. Donc voilà, je suis allé le voir chez lui dans le sud. J'ai pris une feuille, un stylo. J'ai essayé de lui redonner un peu d'élan. J'ai dit allez, on parle de quoi ? Allez, je commence. J'ai écrit les 2-3 premières phrases. Ouais. Et puis du coup, bah voilà, ça a été l'écriture, le déclic, puisque du coup, il a écrit cette chanson. C'est moi qui tenais le stylo et puis voilà, derrière, une semaine après, il m'a rappelé. Il m'a dit j'en ai écrit 2 autres et puis à la fin du mois il m'a dit j'en ai écrit 6 autres, je rentre en studio donc voilà, c'est vrai beau, que ça a été une belle histoire. Eh ben ça, bravo et bravo grand corps malade. Ça fait plaisir. Avec le carton qu'on connaît hein, pour rassurez-vous, toujours la balade et toujours debout. Il est pané ou mal barré. Le crétin qui voudra m'enterrer. Je fais plus les télés, j'ai même pas internet. Arrêtez de parler aux radios, aux gazettes. Ils m'ont cru disparu, on me croit oublié. Quitte à ces trous du cul, je continue de chanter. On a fond, hein, on a fond. Ouais, ça c'est une sorte d'hymne ici, quoi. Ah, c'est... Ici, ah ouais, c'est vrai. Ici, ah ouais. Vous pouvez toucher à tout, sauf un grand corps malade. Renaud, Kenji, Louane, je le dis, M. Pokora. Ouais. Je ne veux plus que le monde. Je ne veux plus que le monde. Ils vont vite. Merci. Ils anticipent vos impros. Vous avez même dit, c'est moi qui tenais le stylo donc à côté de lui comme vous nous l'avez raconté. Vous confirmez, donc il est toujours debout, ça nous fait bien plaisir. Et sur votre album, Renaud, il chante ça. Tape, tape sur tes tambours, tape ma lune sur mon amour. Tape, tape la nuit le jour, tape ma lune sur mon amour. Et il y a aussi un autre coup hein, que l'on retrouve dans votre album, c'est quand même un énorme coup d'avoir Charles Aznavour avec vous, Grand Corps Malade, avec cette chanson, Écrire. Rêver, chercher, apprendre, n'avoir que l'écriture et pour maître et pour Dieu, tendre à la perfection à s'en crever les yeux, choquer l'ordre établi pour imposer ses vues, pour fendre, choisir, saisir, comprendre, remettre son travail 100 fois sur le métier, salir la toile vierge et pour mieux la souiller, faire hurler sans pudeur tous ces espaces nus. Surprendre. Traverser les brouillards de l'imagination. Charles Aznavour, écrire. C'est vous qui avez été le voir, Grand Corps Malade? Ouais, ouais. C'est passé parce que je sais qu'il connaît bien votre. Ouais, voilà. Non, mais je. Voilà, exactement. Voilà. Jean-Rachid, ouais. Qui on embrasse bise, d'ailleurs évidemment. Jean-Rachid, hein, qui doit être en train de travailler. Travailler dur. De dormir. On l'embrasse quand même, mon ami. Jean-Rachid. Donc, oui, Aznavour, j'ai eu la chance, voilà, sur, il y a 1 ou 2 albums déjà de faire un duo avec lui. Voilà, on se connaît un petit peu et du coup, voilà, il nous fait confiance et c'est il a raison de vous faire confiance. C'est Charles Aznavour, hein, je le redis. J'ai eu la chance de le rencontrer, moi aussi. Il est exceptionnel. Il a une idée par seconde, en plus. Ouais, c'est vrai, il arrête pas. Il arrête pas. Il a toujours dans ses mallettes, voilà, toutes les chansons de ses 2 prochains albums. Ah, mais non, mais c'est vrai, c'est incroyable. Ouais, il s'intéresse vachement à des trucs très modernes. Il écoute, il se renseigne. C'est un des premiers dans les années 90 qui a remis un prix à Solar. Voilà, il aime se tenir au courant. Et du coup, c'est ça qui est. Moi, je le vois en télé. Il me sort des émissions américaines. Ouais, j'ai vu ci, j'ai vu ça. Pourquoi tu fais pas ça la dernière fois? Je l'ai vu. Il m'a sorti 40 idées pour la télé aussi. Ça, c'est un phénomène. Ouais, c'est hein. Et en plus, on a appris qu'il faisait, je vous le dis la semaine dernière, on a appris qu'il faisait l'aqua jogging tous les jours. Ouais. Ah, je suis pas au courant. Il mange que 2 fois par jour. J'ai loupé cette information. Ouais, il mange le matin et le midi. Il fait 300 mètres. Et il a remplacé le beurre par de la pâte de cacahuète. Ouais, vous voyez. On s'intéresse à Charles Aznavour. Au top. Au top. Tout de suite sur Europe. Les pieds dans le plat. Sur Europe 1. Grâce au prêt à consommer du Crédit Agricole à taux spécial Euro 2016, financez vos nouveaux équipements pour vivre la compétition à domicile. Ah bah voilà, c'est l'occasion de reparler du canapé. On avait dit la télé avant. Une belle télé, si on est mal assis, je vois pas l'intérêt. C'est pas faux. Télévision, meubles, déco, avec le Crédit Agricole, découvrez les prêts à consommer pour vivre l'UEFA Euro 2016 à domicile. Crédit Agricole, partenaire de l'Euro 2016. Offre réservée aux particuliers sous réserve d'acceptation par votre caisse régionale participante et prêteur. Voir conditions et limites au contrat, vous disposez d'un délai de rétractation. Avant, l'été sans Chris, ça ressemblait à ça. Chou, qui veut des choux? Chou. Mais ça... C'était avant. Chouchou ! Qui veut des chouchous ? Des bons chouchous ! Avec Chris, l'été, c'est mieux quand ça marche par deux. Jusqu'au 2 août, pour tout achat d'une paire de lunettes de soleil, Chris vous offre la deuxième. Et cette année encore, Chris, opticien officiel du Tour de France. Chris, vous allez vous aimer. Valable sur une sélection de montures, voire conditions en magasin. Oh. pense que vous êtes gâtés. Et encore un prix inratable. Chez U, bah oui. C'est la tomate ronde en grappe catégorie 1, origine France, à 99 centimes seulement le kilo. Répétez ça. 99 centimes le kilo de délicieuses tomates rondes en grappe si parfumées. Moi, j'en conclus, c'est inratable. Un point, c'est tout. Y a pas à discuter. C'est jusqu'à samedi dans les Hyper U et Super U participants. Liste sur magasin.com. Les nouveaux commerçants. Intersport. J'adore l'été, je vais profiter, camper, marcher et même nager. Tout ce sport, ça me fait rêver. Vous allez adorer l'été chez Intersport. Dès le 25 mai, les chaussures en toile homme Jack & Jones sont à 24,99€ au lieu de 39,99€, soit 37% de réduction. Intersport, le sport commence ici. Offre valable dans la limite des stocks disponibles. Conditions et listes des magasins participants sur intersport.fr. Jean-Paul ? Incroyable! Ça fait longtemps, qu'est-ce que tu fais maintenant? Ben, je suis là. Chez Volkswagen? Oui, depuis 15 jours. Ben, t'étais pas prof de maths? Si, enfin. Et tu fais quoi chez Volkswagen? Ben, comme toi, j'hésite. Le plus dur, c'est de choisir. Jusqu'au 12 juin, bénéficie d'un crédit à 0% sur toute la gamme Volkswagen. Pour 15 000 € empruntés, 1 500 € d'apport, 36 mensualités de 416,67 €, montant total du 15 000 €. Sous réserve d'acceptation par Volkswagen Bank, détails sur Volkswagen.fr. Portes ouvertes les 11 et 12 juin selon autorisation et réseau participant. Bon Michel, toujours ok pour qu'on regarde le match chez toi ? Yes, et ce sera en ultra haute définition sur mon nouvel écran 4K. Waouh, la classe ! Ouais, là je me suis fait vraiment plaisir, à un prix imbattable sur Cobra.fr. Écran LED, Curve, 4K, découvrez le meilleur de la technologie au meilleur prix sur Cobra.fr et vivez avec passion le rendez-vous football de cette année grâce à une qualité d'image inégalée. Et toi Stéphane, toujours spécialiste en troisième mi-temps ? Et je suis même champion du monde ! Cobra.fr. Alain Flelou, ça y est, c'est parti l'été fou ? Oui. Chin Chin cet été, ce n'est pas une, mais deux lunettes de plus pour 1 € de plus ? Oui. Et la troisième paire ? Pour vous ou pour qui vous voulez. C'est fou ! C'est fou, c'est absolu. Chin Chin jusqu'au 31 juillet, c'est deux lunettes de plus pour 1 € de plus. Voir conditions en magasin, dispositif médical CE, demandez conseil à votre opticien. Pourquoi t'as choisi le forfait mobile free ? J'ai la 4G, ça charge méga vite. Et maintenant jusqu'à 50 gigas d'internet par mois. Et bien sûr les appels, SMS et MMS en illimité. Forfait mobile free, 19,99€ par mois. Offre soumise à condition. 4G sous réserve de couverture. Plus d'infos sur mobile.free.fr. Europe 1. Les pieds dans le plat. Cyril Hanouna. Encore malade d'être avec nous. On l'aime, encore malade. Merci d'être là. Il nous restera ça, c'est le formidable album de Grand Corps Malade. Il est sorti en octobre, il ressort le 17 juin avec 3 nouveaux duos, dont un qu'on a écouté il y a un instant, hein, avec les LOJ. Puis les gens prennent trop, seront à nouveau amochés par la nouvelle génération des premiers jours écorchés. Le cycle jouera son rôle implacable et fatidique. Il y a également un nouveau duo avec Véronique Sanson, est-ce qu'on l'a les chéris ? C'est une ode pour la nuit, les miennes et les tiennes. À quoi ressemblent tes nuits ? Moi mes nuits m'appartiennent. Nuit blanche ou bien nuit noire, où la lune s'est dérobée, je chante quelques photos de notre monde face. C'est dans l'album Il ne restera ça. Et vous serez en concert donc au Trianon le 17 juin. Et il y aura également Véronique Sanson. Oui. C'est fou, non mais rendez compte, tout le monde se déplace pour Encore Malade. Il va y avoir une place là, ça va être. Ouais, bah oui, Véronique Sanson, c'était vraiment, vraiment un kiff. En fait, on a repris un vieux texte qui s'appelle La Nuit, un vieux texte à moi, que j'ai retravaillé pour en faire un duo et une chanson. Elle dort pas la nuit, Véronique Sanson. Donc je me suis dit que ça lui allait bien. Elle a beaucoup de mal à dormir. Elle s'endort vers 9h du mat. Donc du coup, elle a dit ça me va très bien. Et du coup, juste une journée de studio avec elle. Mais voilà, un plaisir dès qu'elle se met derrière le micro. Dès qu'elle allume le micro, la voix incroyable, donc super. Et le titre est très réussi, hein, j'adore. Hein. Ben merci. Ah, franchement, je trouve le titre formidable. On va le passer d'ailleurs sur Europe 1, ça sera nos dernières la semaine prochaine. Donc on passera que des titres voilà dont on a envie hein, en plus. Hein. Ouais, comme on a fait toute l'année quand même. Hein, ouais, mais la plus. Est-ce qu'on pourra donner nos suggestions Allez. Merci, c'est pour écouter du Bobby Lapointe, c'est bon. Grand Corps Malade, la dernière fois que vous êtes venu, on n'a pas eu la chance de vous entendre slammer en live. Non, vraiment, ça nous a fait de la peine. Alors j'aimerais que vous nous fassiez un slam en live, et c'est moi qui choisis le texte, d'accord ? On a une chanson de Francky Vincent, mm-hmm. La notice du robot Thermomix, d'accord. Ou une annonce de rencontre piquée sur topannonce.com. Pas mal ça. Vous voulez démarrer par quoi ? Top Annonce ? Ouais, Top Annonce. Allez, parti, Top Annonce. Ah ouais, musique, ok. Salut. Je cherche une belle jeune guiguette de 28 ans maxi. Même timide, du moment qu'elle est douce et gentille. Même vierge, ça ne me dérange pas. Non fumeuse et qui aime les mangas. Style, Pokémon, Albator, Dragon Ball. Pour lire et aussi faire du sexe. J'aime bien ça, lire et faire du sexe. Avec un geek qui aime aussi les mangas et le latex, je cherche sur Dunkerque et autour 2 km maxi. Le mec a pas de voiture, il est en vélib, donc c'est pas plus de 2 km autour de Dunkerque. Pas sérieuse ou pas très jolie, non merci. Ah ouais, quand même. Oh là là. Bravo. Même ça, ça passe avec lui. Ah, c'est vrai, c'est beau, j'ai envie de pleurer moi. Le gars, il m'a fait de la peine, il m'a angoissé, j'ai envie de lui répondre, même moi. Ah, il peut tout lire. Ah non, il peut tout lire. Fou. On peut pas se faire un petit Francky Vincent. Oui, bah oui. J'adore. Le Francky. Tu passes tes mains câlines, pas de poils sur ma poitrine. Tu approches ta bouche féline, attends-moi, faut que j'urine. Merci Francky. Mon zizi délicieux est peut-être vicieux. Je deviens tout puissant dans ce lit excitant. Alice, ça glisse au pays des merveilles. Bravo Francky, je sens tes groseilles. Alice, ça glisse au pays des merveilles. Bravo Francky, c'est du savon de Marseille. Et ça marche. Chez Francky, les rimes sont toujours justes. Ah oui, c'est... On n'écoutait pas assez les paroles. Ouais. Alice, ça glisse au pays des merveilles. Quoi, bravo, Francky. Il nous manque, je sens tes groseilles. Mais ah, oui, Francky. Mais j'adore. Ah, je sais pas. Mais j'adore les deux versions. Ah, c'est bravo, Francky. C'est différent, en soi. Allez voir Cyril sur Europe1.fr, hein, il est évidemment en train de danser sur une chorégraphie sur une rumba. Il y a Marie-France qui nous a fait du cake à la badienne, c'est tout. Sans déconner. Vous imaginez, sur un zouk. Est-ce qu'on a Francky, c'est bon, l'autre? Parce que je sais que tu peux tout demander, bien sûr, ça va très vite, ils sont très rapides. Vas-y, Francky, c'est bon. Je le verrais bien en musique du meeting de Marine Le Pen. Papa, à table! Vas-y, Francky, n'est-ce pas? Encore malade, il nous restera ça. C'est son album qui sort le 17 juin. Il ressort le 17 juin avec trois nouveaux duos. Il est exceptionnel, son album, et en concert au Trianon le 17 juin. Je pense qu'il reste très très très peu de place. Il sera, donc il nous l'a dit, avec Véronique Sanson, Léa Leji. Il sera avec Richard Bohringer, Hubert Félix et Tiefen. Les trois frères. Il y aura les trois frères. Il y a Jeanne Chiral, il y a Renaud qui sera avec lui sur scène. Et on ne sait pas encore, peut-être, ouais. Charles Aznavour. On va se t'apprendre avec des pincettes. Bien entendu. Francky Vincent ne sera pas là. Il ne sera pas là. Non, il a décommandé. Et merci Fabien d'avoir été là. C'est un plaisir, merci. Merci. Bon week-end à tous. On vous laisse avec Nicolas Poincaré sur Europe 1, bien sûr, pour Europe Soir. Merci à tous. On se retrouve lundi pour les quatre dernières, des pieds dans le plat. Salut mes chers. À lundi, c'est la nona. Bonsoir Ambline. Bonsoir Nicolas. Bonsoir à tous. Bienvenue dans Europe Soir. Nous sommes ensemble jusqu'à 20h. Dans un instant, le journal avec Paris à son tour touché par la montée des eaux. On est très près du seuil où l'on déclenche le plan d'alerte pour protéger le métro. On en parle avec Isabelle Millet, le grand journal largement consacré dans deux minutes aux intempéries et aux crues. Et justement, Valérie Darmon, la météo, vous nous dites qu'on n'avait pas vu la Seine aussi haute depuis 30 ans. Absolument, la Seine qui continue de monter à raison de 2 cm par heure environ contre 4 hier et qui va atteindre son pic entre 6,30 m voire 6,50 m dans la nuit avant d'attaquer une phase dite de plateau et d'entamer sa décrue normalement dimanche. Elle a dépassé la barre des 6 mètres, va donc dépasser la crue de 1982 de 6,15 m. Sur l'est parisien, la montée des eaux se stabilise déjà. C'est le cas à Melun, par exemple. Aujourd'hui, il n'a pas plu, mais demain, Météo France attend 5 à 10 mm de pluie entre le nord-est et l'est du bassin parisien. Dans le contexte actuel, ça compte. Et puis dimanche, ciel toujours mitigé mais sec en région parisienne. L'Île-de-France, qui a d'ailleurs battu un record absolu de grisaille, 6 jours sans soleil aujourd'hui, c'est du jamais vu entre mai et août depuis 1945. Il s'agit de la plus longue séquence grise en plein été météorologique. Et c'est bien gris et bien triste. Merci quand même Valérie Damon. On vous retrouve régulièrement jusqu'à la fin d'Europe Soir à 20h. Europe 1, il est 18h30. Europe Soir. 18h30, 20h. Nicolas Poincaré. Au sommaire ce soir, on le disait donc la